enfant plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je plus intelligence que le Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Le frère Frédéric, bonsoir et bienvenue à cette autre séance de Belgique dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Ça, c'était Miséricorde Kapinga dans Combien j'aime ta loi. Tu as aimé cela? Oui, je n'ai pas pu écouter. Ouais, à la fin, on va te distiller encore cela, d'accord? C'est Miséricorde Kapinga. Dis Miséricorde Kapinga. Miséricorde Kapinga. Voilà, c'est Miséricorde Kapinga dans j'aime, Combien j'aime ta loi. Tu aimes la loi du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir et bienvenue. Nous allons passer dans des excellents moments encore ce soir, pas vrai? Oui. En attendant que le couple trace et positionne également. La soeur Suzanne Claudon, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment va la famille? Ça va bien par la grâce de Dieu. Tout le monde va bien ici. Amen. Merci. Amen. Celle qui est la reine au sens propre et même au sens figuré, c'est-à-dire que reine par prénom. Reine du Seigneur Jésus-Christ et reine en tant que personnalité. Bonsoir. Amen, amen. Bonsoir mon frère. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, tu n'es pas de garde aujourd'hui. Bonsoir. Non, pas la grâce de Dieu. C'était mon repos aujourd'hui. Mm-hmm. En attendant donc que les sœurs Christiane et le couple se joignent au groupe, nous sommes à votre service ce soir. Comment vous allez? Bonne. Alors, la sœur Claudon, je suis à votre service. Il est 21h à Douala, Cameroun, la même heure également à Bruxelles. Mm-hmm. Je suis à votre service. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mm-hmm. Prions, d'accord? Prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour ta bienveillance et pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé encore ce soir. Dans nos vies et bien dans tous ceux là qui nous écoutent, que ta voix transforme les cœurs, transforme les vies, pour les gloire, pour amener les bébés à toi. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette autre soirée que tu nous donnes. Merci pour le partage. Merci pour nos cœurs que tu amènes toujours vers toi pour nous transformer. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, je suis à votre service. Avez-vous des questions, des sujets de prière, des requêtes, des supplications que vous voudrez que nous présentions au Seigneur? La sœur encourage, d'accord. Merci mon frère. Chaque fois, c'est la deuxième fois il te dit courage. La semaine dernière, il te dit courage, n'est-ce pas? Ouais. Courage. Parce qu'à l'intérieur, là, ça va bouder. Ça va, au fur et à mesure, ça va tourner. Le travail du traitement est en train de faire. Tu sais, effectivement, en tant que médecin, lorsqu'on met les. Quoi, vous appelez ça quoi? Ce que vous mettez là, la perfusion. L'effet, il y a le temps d'effet de la perfusion. Donc ça circule, ça circule. Il y a le temps d'effet également de la parole. Que Dieu bénisse. Frère Frédéric, des questions? La sœur Suzanne Clédon, bonsoir et rebonsoir. Des questions? Vous vous souvenez de ce que nous avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Oui, on a suivi cet après-midi, j'ai suivi un enseignement sur l'état du vieil homme. C'était dans la France dans la sainteté. Oui. J'ai beaucoup apprécié le petit exercice que tu avais donné à nos frères en France, là. Oui. Concernant qu'il fallait qu'on s'exerce. Oui. En disant que le Seigneur doit purifier nos cœurs en permanence dans notre esprit. C'est pour tous ces enfants qui écoutent, c'est pas seulement pour ceux de la France, d'accord? C'est pour tous ces enfants. Oui. Et vraiment, c'est bénissant, quoi, parce que en faisant l'exercice, on s'aperçoit que ça, il y a un changement qui se fait. Il y a un travail qui se fait dans l'intérieur de nous. Voilà, donc la phrase que tu as dite, c'est en faisant l'exercice, on se rend compte que. Donc, c'est quand tu fais l'exercice, c'est on qui se rend compte. Donc, puisque c'est toi qui fais l'exercice, dis-nous ton témoignage à toi. Comment tu as fait l'exercice et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, je reviens sur. Comme la sœur avait dit dans l'enseignement, effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, à force de répétition dans notre esprit, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a plus par exemple, il y a une musique qui va constamment nous marteler la tête. Et bien, au bout d'un moment, on s'aperçoit que cette musique-là n'y est plus, quoi. Oui, ça disparaît. C'est un exemple. Ça disparaît. Ben oui, je prends mon cas. Moi, je sais que depuis le jeûne, depuis qu'il y a eu l'instruction du jeûne, j'ai des musiques qui viennent constamment dans mon esprit. La musique du monde, hein. Notamment des musiques que j'écoutais quand j'étais toute petite. Oui. Et cette musique-là revenait bizarrement. Ça revenait comme ça. Je comprenais pas. Et d'un coup, je me vois en train de chanter ça dans mon esprit, dans ma tête comme ça. Et puis même des fois, ce qui m'arrivait, me bougeait la tête. Et puis quand je me rendais compte, je disais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et plein de musique comme ça. Et quand j'ai commencé à faire l'exercice, le lendemain, je me suis aperçu que c'était de moins en moins, quoi, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que depuis l'enfance, quand tu allais en boîte de nuit, quand tu jouais à l'âge de 11 ans, tu allais en boîte de nuit, tu étais sorti de la boîte de nuit, tu es parti avec la boîte de nuit dans ton cœur. Et maintenant, en grandissant, la boîte de nuit ressurgissait. Donc, étant chez toi, tu dansais en boîte de nuit encore. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et toute personne qui nous suit, les chrétiens, les gens ont besoin de nettoyage à l'intérieur, ils ne savent pas comment faire. C'est pour cela que le Seigneur a suscité cela. Il a décidé de commencer par la France. Écoutez, réécoutez, écoutez, et surtout mettez en pratique. Continue, ma soeur. Quoi d'autre? Après, j'aimerais te parler, mon frère, si ça ne te dérange pas, mais en privé. Ok. Donc, privé, c'est privé. Oui, en privé, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et j'aimerais qu'on en parle si c'est pas trop te demander. Non, tu ne me demandes pas trop, c'est moi qui vous demande trop. Chaque 28, je vous demande de vous connecter pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. C'est moi qui vous demande trop, je m'en excuse, d'accord? Non, mon frère, non, dis pas ça, au contraire, c'est une bénédiction, c'est une grâce qu'on a là, vraiment, hein, mon frère, non. C'est plutôt à nous de te remercier, mon frère, pour tout le temps que tu nous accordes. C'est une grâce, vraiment. Vous êtes la couronne du Seigneur, je suis votre serviteur. Amen. Je suis à votre, je suis à votre service. Donc, quand vous avez écouté les enseignements sur, concernant la France et la sainteté, ainsi de suite, qu'est-ce que le Seigneur a fait donc? Le Seigneur a fait donc, a commencé le nettoyage. C'est ça? Moi, c'est en plusieurs étapes. Hein. C'est pourquoi je demande à ce qu'on voit ça un peu plus tard. Oui, ça va se ça fait ressortir beaucoup de choses du passé qui revient en surface, c'est pas vrai? Absolument, absolument. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément qu'il y a aussi du négatif, attention. On va équilibrer les choses. Bon, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que en réalité, il y a des versets tels que Matthieu chapitre 5, le verset 8, où le Seigneur Jésus-Christ dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand les gens lisent de tels versets, ils lisent comme ça, ils traversent, ils ne se posent pas la question pourquoi le Seigneur Jésus exige le cœur pur. Et pour purifier le cœur, comment faut-il le faire? Les gens ne comprennent pas, les gens ne posent pas des questions. Ils ne se posent pas la question si leur cœur est pur. Ils ne font pas un examen rétrospectif pour voir si en fait nous avons un cœur pur. Et ils ne se posent pas la question si nous mourons maintenant, nous tenons devant le Seigneur. Est-ce que nous pourrons nous répondre du fait que notre cœur était pur? Voilà pourquoi le Seigneur suscite tous ces enseignements-là. Qu'au lieu que les gens se vautrent dans tout genre de religiosité et tout genre de ce train religieux qui nous emporte là, qu'on fasse un examen minutieux de notre vie spirituelle pour pouvoir marcher droitement devant de lui. Vous voyez, c'est pour cela que les enseignements sont suscités. Ceux donc qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur droit, d'un cœur juste, aimeront cela, y iront et feront l'exercice pour sanctifier leur cœur. La sœur Anne, je suis à ton service. C'est très intéressant. C'est très difficile, en fait, aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Ma sœur, elle chantait dans son père. Il y a des moments où je chante même à haute voix. Et après, je dis... Donc, ça chante dedans au point où tu entends la maison, au point où tu crois qu'il y a le baffle à côté. Tu commences à mimer, quoi. Voilà. Et après, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je me reprends tout de suite. C'est vraiment pas facile, en fait. C'est très difficile. Donc, on a besoin du nettoyage, n'est-ce pas? Oui, oui. Grâce au Dieu Seigneur Jésus-Christ qui a suscité ces enseignements-là. Oui, oui. Surtout que maintenant, avec le jeûne et la période de fête-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très difficile. Courage, d'accord? Amen. Le frère Frédéric, on t'écoute. Oui. Bonjour, grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la de mardi passé, on peut continuer tout de suite. Oui. Moi j'attends l'enseignement. Parle mon frère, on t'écoute. Sa connexion dérange comme toujours. Non. On t'écoute mon frère, on t'écoute. Attendez. Allô, le frère Frédéric, tu es connecté? Le frère Frédéric est connecté toujours? Je crois qu'il doit avoir un problème de retour là, le frère Frédéric. Alors, la dernière fois dans Belgique, dans la sainteté, qu'avons-nous vu alors, mes soeurs? Moi, je ne vous avais pas écouté. Ah oui, tu n'étais pas connecté, tu étais des gars. Oui, frère Frédéric, tu es rentré, tu es revenu là. Allô, le frère Frédéric, je crois qu'il n'est pas... Il n'est pas calé. Il va revenir. La sœur Susanta, qu'avons-nous vu la dernière fois? La sœur Suzanne, elle est là. Quelques petits problèmes, quelques petits soucis avec la connexion ici. Je crois que... Vous m'entendez, n'est-ce pas? Moi, j'entends très bien. Alors, la sœur Suzanne, Tu es là? Allô? Oui, mon cher, bienvenue encore. Oui, merci. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta connexion, mon cher? Je ne sais pas. Ne me dis pas que tu es dans la partie africaine de l'Europe. Je n'ai pas compris. Ne me dis pas que tu es dans la partie africaine de l'Europe où le réseau dérange. Non, alors, tu avais la parole. Tu parlais de l'enseignement de la semaine dernière, de mardi dernier. Oui. On peut retomber dessus parce qu'on n'a pas terminé. Oui, il s'agissait de quoi déjà? C'était une totale confiance en Dieu. Oui. Est-ce que tu as eu une totale confiance en Dieu alors dans ce cas? Parce que j'ai toujours eu confiance en Dieu. Voilà. En fait, chaque fois donc, puisqu'il y a des sœurs et des frères qui n'assistent pas à chaque fois que lorsqu'on finit une séance, faites un résumé par écrit dans le forum avec les versets que nous avons lus, comme ça les personnes qui ne sont pas connectées pourront voir cela lorsqu'ils seront connectés. Alors, pendant qu'on y est, mon cher frère Frédéric, donne-nous un résumé de ce que nous avons vu la dernière fois et au besoin, citer les versets que nous avons vus pour mettre notre sœur, notre reine à la page avant qu'on ne continue ce soir dans la deuxième partie de cet enseignement intitulé Une totale dépendance, une totale confiance au Seigneur. Oui, je donne le verset. Oui, allons-y. Luc 21, verset 5 à 9. Psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 37, verset 5. Verset 7. Psaume 40, verset 5. Psaume 49, verset 1. La sœur amie avocat, bonsoir. Bonsoir. Veuille fermer ton micro avant que l'élève qui est là-bas ne se trouble dans son résumé. Oui. Psaume 84, verset 6. Donc, il est dans son document. Oui. Psaume 135, verset 4. Persécuté on sera même trahi par des membres de notre famille, mais que nous ayons confiance en lui. Et que peu importe les genres de persécutions que nous aurons, qu'il ne laissera aucun cheveu de notre tête qui sera détérioré. Et on avait fini par Deux Rois chapitre 18. Chapitre 18 et 19. Voilà. Et où nous avons vu Rabshakeh est venu challenger le prophète, le roi Ézéchias par rapport à la population juive, en lui demandant que Ézéchias ne les trompe pas, puis qu'ils remettent leur confiance au Seigneur, à l'Éternel, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ce résumé. Que Dieu te bénisse. Pour la première fois, j'ai la solennité, la bienveillance de vous présenter la sœur Suzanne en vidéo. Appréciez la qualité de la beauté du Seigneur. Veuillez la saluer. Amen, amen, mon frère. Mon frère, tu remarqueras ce que j'ai porté quand même. Hein? Ben ouais, tu as le pain, tu es digne d'être africain là comme ça. Oui, mais c'est ce que la sœur m'avait apporté quand vous étiez venu. Donc ça, c'est spécialement pour la sœur Grâce, quoi. Voilà, c'était pour elle. Que Dieu la bénisse, cette femme-là, et Dieu bénisse également son mari. Bonsoir au couple Travis. Heureux le mari qui est la femme de le mari de cette grâce-là, n'est-ce pas? Peut-être elle pourra sortir de sa tanière pour venir vous dire bonsoir, un coucou à la fin de cet enseignement ce soir. Le couple Travi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Oui, on ne vous voit pas ce soir. Ne me dis pas que tu es à l'hôpital en train de crier. Nous avons fait 21 minutes. Je me suis arrangé à tourner le temps de vous attendre que vous veniez. Bonne arrivée. Merci. Et le frère Travi. Parce qu'il n'est pas là encore. Il est encore à Bruxelles. Ouais. Il va d'un moment à l'autre. Avant d'arriver de Bruxelles à là, il va voir toujours des mondanités avant de venir s'asseoir ici. J'espère que s'il arrive ici, vous allez entendre le témoignage qu'il va nous donner maintenant. Il va dire ah frère Junior, c'est péché partout dehors là. C'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. Il n'y a nulle part où se cacher, nulle part. Quel que soit ce qu'on fait, que ce soit par information, vous allez prendre des renseignements à l'hôpital, vous prenez le métro, vous touchez votre carte bancaire, vous donnez un enregistrement, vous envoyez un SMS, tout est contrôlé. Tout est contrôlé, frère. Le seul endroit, parce qu'en fait, on peut nous contrôler physiquement, le seul lieu où vous ne devrez pas accepter qu'on vous contrôle, c'est spirituellement. C'est le plus dangereux là-bas. Et donc là, amen. Il faut être caché sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. D'où la totale confiance en Dieu. D'où la nécessité de vivre avec une totale dépendance au Seigneur. La sœur Amie Vocale, bonsoir. Dis bonsoir à tes sœurs maintenant et à tes frères. Bonsoir tout le monde. Vous savez, elle a 2 mètres entre elle et son support radiophonique. C'est pour cela qu'elle prend du temps pour ouvrir le micro et le temps de se rentrer. Allô? Oui, on t'entend. Ah. Et le temps de rentrer maintenant pour dire bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Shalom, ma soeur. Shalom. Bonsoir. Le plaisir est toujours pour moi renouvelé chaque fois quand je vous rencontre. Ma prière, c'est que lorsque nous serons au ciel, que chacun de nous, nous nous rendons visite. Vous aimeriez venir chez moi au ciel? Ah oui, frère. Souvenez-vous, là-bas, on n'a pas besoin de chauffage pour que vous portez les gros habits comme vous portez comme ça, vous voyez? Là-bas, vous n'êtes pas obligé. Ça ne se trouve pas où n'aurait aucun système de bail derrière vous, ni système de dette qu'on va vous demander. Tout est gratuit là-bas, et absolument gratuit. C'est la liberté la plus libre. N'est-ce pas un bon royaume ça? Pas un royaume machiavélique que nous avons aujourd'hui. Où vous passez, vous traversez le feu rouge sans vous en rendre compte, vous avez 130 euros à payer. Vous voyez de telles choses? Que Dieu nous pardonne, d'accord? Et préparons-nous seulement pour notre royaume. Amen. Alors, la dernière fois, samedi, la semaine dernière, dans l'autre partie de la Belgique, dans la sainteté, nous avons vu une totale dépendance, une totale confiance dans notre Seigneur Jésus. Nous avons lu Luc, effectivement, Luc chapitre 21, du verset 5 au verset 19, et particulièrement les versets 12 jusqu'au 15 nous ont intéressés, et puis les 3 derniers versets. Dans le verset 12, donc, le Seigneur Jésus avait dit, mais avant tout cela, Avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Donc le Seigneur a dit qu'on va arrêter les disciples, on va les traduire devant les tribunaux, devant les chefs de ce monde-ci à cause de son nom. Là, il donne maintenant quelque chose qui nous donne le socle de l'enseignement sur lequel nous avons commencé à travailler. Le verset 13 dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Donc il y a un but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on nous arrête. Donc derrière ce but, derrière ces arrestations arbitraires, derrière ces persécutions à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a le but propre du Seigneur. Le but c'est qu'on se tienne devant les rois, on témoigne. Lui-même n'en a pas fait exception. Quand il était sur la terre, aucun de ses rois ne le recevait jusqu'au moment où on l'avait arrêté. Vous remarquez que quand il était sur terre, il marchait de lieu en lieu, il prêchait la parole, il a entré dans une bourgade appartenant dans la circonscription d'Hérode. On lui a envoyé dire de quitter son territoire. Il n'avait pas de relation directe avec les rois, les princes de ce monde-ci. Pourtant, le psaume 2 disait, pourquoi ce tumulte parmi les nations? C'est vain raisonnement parmi... Pourquoi les princes, les rois de la terre se liguent-ils contre le Seigneur et contre son roi? À quel moment donc cette parole devait s'accomplir? Nous voyons effectivement, lors de l'arrestation du Seigneur, jusqu'à si vous lisez les chapitres 22, 23, puis 24, on va le traîner devant le Sanhédrin, devant les magistrats, les gouverneurs, les principaux sacrificateurs, puis devant Pilate, qui va le balancer comme la chandelle entre Hérode et lui, et en fin de compte, Pilate va le livrer pour être crucifié. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'en a pas fait exception de ce qu'il est en train de nous dire. Donc, durant son ministère terrestre, donc, il a des moments où il a marché avec ses disciples, du moment où il a rigolé avec ses disciples, du moment où il a dormi sur les montagnes des Oliviers. Mais vient le moment où la parole devait s'accomplir sur lui, le psaume 2, où il devait être livré parmi les malfaiteurs, malmené parmi les rois, devant les rois. Mais qu'est-ce qu'il faisait devant le roi? Il faisait exactement ce qu'il nous dit, ce que nous devons faire. Il était là pour servir de témoignage. Devant le roi de ce monde-ci, on lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il témoigne du royaume là-bas. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi et n'auraient pas laissé que je sois livré à votre main. On a conclu, tu es donc roi. Et en ce moment-là, il était devant le royaume. Remarquez très attentivement pour nos prédicateurs d'aujourd'hui qui essaient de conquérir le pouvoir pour aller convertir le président de la République. Le Seigneur Jésus-Christ, se tenant devant Pilate, n'a pas essayé de lui exposer le plan du royaume futuriste. N'a pas essayé de le convaincre pour qu'il soit un bon président désormais pour prêcher maintenant au peuple juif pour que le peuple juif le reconnaisse comme Messie. Il lui a dit ce qu'il fallait dire. Quand bien même Pilate cherchait à le relâcher, il lui a dit que c'est toi, le pouvoir que tu auras sur moi, c'est ce qui aura été décidé en haut. Et en effet, lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 4, le chapitre 3 et le chapitre 4, nous voyons effectivement à l'issue de la guérison du paralytique de la belle porte du temple de Salomon, Pierre et Jean seront mis en prison. Et par la suite, quand ils vont sortir, ils vont donner ces grands discours où ils vont rentrer devant les leurs et après avoir été battus des vaches, ils vont lever la bouche pour prier en disant, Seigneur, toi qui as oué ton saint serviteur Jésus et qui a envoyé ici, pense, l'apôtre Pierre signifie particulièrement dans la prière que les rois de la terre, en effet, comme il est écrit dans cette psaume 2 là-bas, les rois de la terre, en effet, dans cette ville, Pilate et Hérode se sont ligués contre ton saint serviteur pour accomplir ce que ton conseil et ta main avaient arrêté d'avance. Donc ils avaient ainsi accompli une parole de l'écriture sans s'en rendre compte. Et là, il n'hésite pas à présenter devant les rois de la terre pour les convertir. Que non. Devant Hérode, il n'a même pas ouvert la bouche pour lui répondre. Ce qui l'a beaucoup fortement irrité et fortement étonné. Il a renvoyé chez Pilate, que Pilate donne la conclusion. Pilate donna la conclusion à ces juifs-là qui ont voulu le livrer. Ils lui ont dit, je ne trouve rien devant cet homme-ci d'injuste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je vous livre Barnabas ou bien Jésus? Ils ont accepté qu'on les délivre celui qui avait commis la sédition et un meurtre, mais qu'on crucifie le Messie, le prince de paix, le prince de vie, celui qui est la résurrection. Jésus donc nous dit ici dans Luc chapitre 21, le verset 13, que cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Donc les pasteurs de Jésus croient qu'il faut qu'ils soient amis avec les chefs d'État pour les convertir. Jésus n'a pas donné exception. Vous remarquez effectivement que son apôtre par excellence qu'il a également choisi dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 26, que j'invite maintenant que nous nous y allions. Allons-y dans Actes des Apôtres chapitre 26, que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc dans la deuxième partie d'une confiance totale, une totale confiance, un total abandon entre les mains du Seigneur dans Bagie de la sainteté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur tous les cieux. À ceux qui nous écoutent, c'est Bamba Iba et qui écoute la voix de la sœur Reine, qui écoute également la voix de Madame Trabi et tous les autres là. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il faudrait écrire à ces garçons-là qui ne dérangent pas. On est en plein travail là maintenant. Alors, nous sommes dans le chapitre 26 des Actes des Apôtres. Vous y êtes. Regardez à partir du verset 1, si vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 1. Regardez. La Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi et toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Je vais te convertir aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne te donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Là où tu es comme ça, sache que tu es une autorité que Dieu t'a établie et tu dois aller en enfer si tu ne le sais pas véritablement. Vous avez vu ça au verset 5, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Paul a prêché à... Vous êtes d'accord avec moi que c'est ce qu'il a prêché? Non, c'est pas ça. Dans votre version biblique, c'est pas ce qu'il a écrit? Non. Voilà. Le verset 9 dit, pour moi, le verset 9, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à moi, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Bonsoir au frère Trabi qui est connecté maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je continue. Je suis pas encore rentré à la maison, mais nous sommes ensemble. Oui, oui, nous sommes vraiment ensemble. Tu es dans quel endroit, Moussa? Tu es dans un endroit saint ou bien dans un endroit de péché? Dans un endroit saint. C'est vraiment je suis ça. À la gare. Tu es à la gare. En train d'attendre le train. Ok, bon. Attends, donc, ferme tes yeux pour tout ce que tu vas voir. Comme tu aimes trop t'enfermer dans la chambre avec ton épouse, là, pour ne pas voir le péché, parce que tu vas avoir de toutes les qualités avant d'arriver à la maison. Verset 12. Verset 12. Enfin, tu vas nous trouver en partage, d'accord? Verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, tu dois te convertir. Si tu ne comprends pas cette vision-là, alors c'est que tu es mort en guerre. Vous voyez cela? Donc vous voyez que le témoignage, nous voici ici, c'est l'apôtre Paul qui est amené par les Juifs. Et remarquez très attentivement qu'aucun de ces apôtres n'est amené de façon diplomatique devant les rois. Ils sont toujours accusés de sédition, de troubleurs, ainsi de suite, mais présentés devant les magistrats, présentés devant les avocats, ainsi de suite. Mais nous allons voir un phénomène dans le livre de Luc au chapitre 21 que le Seigneur nous a dit. Souvenons-nous, on est parti de Luc chapitre 21, verset 13-14. On va y revenir maintenant. Remarquez très attentivement que l'apôtre Paul ne prend pas un avocat humain. Il ne prend pas quoi que ce soit comme défense. Ici, ce n'est pas une règle de droit ici. Le chapitre 21 dit, chapitre 21, verset 13 dit, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Or, un témoignage du Seigneur Jésus-Christ n'est pas prémédité. Un témoignage n'est pas préarrangé. Le témoignage du Seigneur Jésus-Christ n'est pas préparé. C'est spontané par le Saint-Esprit. C'est ça le témoignage. C'est pour ça que vous allez voir effectivement que chaque fois quand l'apôtre va donner le témoignage, il amène le sujet d'une certaine façon avant d'introduire ce que le Seigneur lui a fait. Mais dans verset 14, le verset 14 du Luc chapitre 21 dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. C'est là où nous sommes partis. Et Jésus de conclut, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. D'où le sujet, une totale dépendance à Dieu, une totale dépendance au Seigneur, une totale dépendance à l'Esprit de Dieu. Ici, Dieu nous invite à dépendre totalement de lui au point où c'est que les hommes taxeraient comme normal. Sous d'autres cieux, lorsqu'on vous arrête pour une, lorsqu'on vient vous signifier une arrestation, on dit votre droit. Monsieur X, Madame X, Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en pourrez pas vous en procurer, le ministère public vous en fournira un. Jésus a dit, si on dit cela, refusez. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 3, que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous voyez cela? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc Jésus est en effet un paraclétus, c'est-à-dire un avocat. Et il nous rassure ici que lors de la confrontation entre les puissances sataniques fonctionnant derrière le roi, fonctionnant derrière les agents qui vont nous trimballer à cause du nom dont nous portons sur nous, le nom du Seigneur Jésus-Christ dont nous invoquons et dont nous tenions ferme, il va remettre au goût du jour la puissance du Saint-Esprit pour qu'il règle le compte par la sagesse du langage, la sagesse de l'esprit. Et donc Dieu nous dit ici de faire attention, de ne pas préméditer notre défense. Mais oh combien sont ces pasteurs aujourd'hui qui sont trimballés devant les tribunaux, accusés de jugement de faux. Enfin, Jésus dit ici que lorsqu'on va les trimballer à cause du fait que ce soit son nom, on est accusé de son nom. Donc maintenant, vous voyez effectivement que c'est normal que si un pasteur est accusé de malversation, de viol sur mineur, de détournement des fonds de l'église, de coquerie, de faux et usage de faux, c'est normal qu'il prenne d'avocat. Parce que Jésus n'a pas dit que son Saint-Esprit parlait à ce moment-là. Jésus défendra son nom parce que le Saint-Esprit doit glorifier le Seigneur Jésus. Vous allez voir des pasteurs qui sont impliqués dans les trafics de drogue aujourd'hui, trafic d'enfants, trafic d'ossements humains et tout genre de dérives qu'on dénonce dans la société. Dieu ne viendra pas secourir ces genre de personnes parce que lui-même, il s'est lui-même livré dans la boue. La Bible déclare dans le livre de Pierre que personne d'entre nous ne souffre comme voleur ou bien comme Saint-Jean dans les affaires d'autrui. Mais que lorsque nous sommes outragés à cause du bon nom dont nous portons, que nous n'aurions pas honte. Parce qu'à cet instant-là, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu est sur nous. La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mes bien-aimés, bonsoir. C'est 36 minutes seulement, nous n'avons encore rien dit. Ok. Parce que nous t'attendons. Nous sommes dans Luc chapitre 21 pour la continuation de la dernière, du dernier enseignement intitulé « Une totale confiance en Dieu ». D'accord? Alors, dans ce livre de Luc chapitre 21, effectivement, nous voyons donc que le Seigneur Jésus-Christ met en garde ses disciples à lui que lorsqu'on va les trimballer devant les rois, devant les tribunaux, devant les synagogues, lorsqu'on va les battre, il n'y a pas de système de self-defense dans le Seigneur. Vous voyez? Il n'y a pas de système de self-defense. Il dit, ne vous préparez pas, ne préméditez pas, comme il a dit au verset 14, mettez-vous à l'esprit de ne pas vous préparer, préméditer votre défense. Ça veut dire quoi? Si tu ne prémédites pas ta défense, c'est un total abandon entre les mains du Seigneur. Vous voyez, c'est ici dans l'expression même du mot mouton, fait surface. Le mot mouton, ça fait surface ici. Le mot brebis, fait surface ici. Le frère Frédéric, ferme ton micro. Ça doit être classique pour chaque mardi, pour que nous n'ayons pas à répéter ça chaque fois, parce que c'est, le son là est désagréable et ça empêche, ça ne donne pas une bonne écoute. Donc nous voyons effectivement ici, le verset 14 nous dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Vous voyez, il ne doit pas préméditer sa défense. On ne doit pas prémédier notre défense. Ceci veut dire, il faut être, pour arriver à ce niveau-ci, il faut savoir, un, à qui tu as cru, deux, avoir une relation avec lui, trois, être sûr qu'il va te délivrer du châtiment dont on a dit. Vous voyez? Ici, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Et souvenez-vous, nous avons dit, vu la dernière fois, que cette sagesse-là ne veut pas dire que quand vous allez parler pour vous défendre votre cause, on va vous délivrer. Non, que non. La sagesse que Dieu a donnée à Étienne, le premier témoin qui a témoigné de ces versets-ci, la Bible déclare qu'il a résumé toute la Bible. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 7, c'est lui le premier martyr. Et là, l'apôtre Paul avait le témoignage de son habit. C'est, lorsqu'on a retiré son habit, on a déposé devant le pied d'un certain jeune homme appelé Saul. C'est là où on commence à connaître celui qu'on appelle Saul. Donc à l'issue de la tuerie du frère Étienne, c'est Saul qui a gardé ses habits. Maintenant, regardez très attentivement que devant la réquisition qu'on a faite de lui devant le Sanhédrin, il a expliqué la Bible commençant depuis la Genèse, de la naissance d'Israël jusqu'à la loi, en passant par David jusqu'aux promesses des Messie et son accomplissement. La Bible déclare que le Sanhédrin, fixant les regards sur lui, son visage était comme celui d'un ange. À cet instant, le Saint-Esprit a parlé. Lequel des prophètes vous n'avez pas tué? Homme au cou roide. Vous voyez, c'est la sagesse de Dieu cela. Cette sagesse de Dieu donna tellement la vérité au point où ça insultait ceux qui étaient assis aux membres de Sanhédrin. Le plus grave de cela, c'est lorsqu'il a ouvert la bouche pour dire, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite debout à la droite de Dieu. À cet instant-là, il a poussé sa sagesse et sa défense au point où on l'a tué. On a dit hôte de la terre, de terre homme. Alors, lorsque le Seigneur dit dans ce verset 15 du chapitre 21 de Luc, lorsqu'il dit « car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire », ça ne veut pas dire qu'à l'issue, quand tu vas délivrer cette sagesse-là, tu vas délivrer cette bouche-là, de cette bouche-là, on va dire « ok, non, il a bien parlé, il a bien dit, hein, tout ce qu'il dit c'est la vérité, on va te laisser aller chez toi tranquillement ». Quand bien même on ne trouvera pas à dire, souvenez-vous, allez demander à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jean dans chapitre 3, ils vont vous dire comment la chicotte faisait dans le dos. Quand bien même on va vous relâcher à cause des yeux des gens, on va quand même vous battre des verges. Ou bien, pour notre pays moderne, on va vous taxer de payer des amendes parce que vous avez parlé de l'homosexualité, ou bien parlé de vous taxer de xénophobie, ou bien de toutes ces choses radicaux. Le verset 16 dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Donc, c'est prédestiné ici que certaines personnes meurent par trahison des gens proches d'eux. D'où la Bible dit qu'on n'ait pas confiance à l'homme. Dans Éphésiens, Ésaïe chapitre 2, verset 22, la Bible déclare que maudit soit celui-là qui se confie dans l'homme. On ne doit pas se confier dans l'homme, on doit se confier dans le Seigneur Tout-Puissant. Verset 17 conclut, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et là, le Seigneur lui donne cette promesse, cette merveilleuse promesse, mais il ne se perdra pas un seul cheveu, c'est pas un cheveu de votre tête. Donc, le Seigneur Jésus a promis la délivrance à quiconque le suit, la protection de leur âme à quiconque lui fait confiance. J'ai également l'insigne honneur de vous présenter la sœur Christiane aujourd'hui en vidéo. C'est quand même terrible, aujourd'hui tout le monde est en vidéo. La sœur Suzanne Cloudon, la sœur Reine, la sœur Ami, la sœur Tra, Monsieur Tra, et puis voilà la sœur Christiane. La sœur Christiane, où la voyez-vous la présente? Alors, donc nous voyons la deuxième partie donc de la totale confiance à Dieu. Les micros sont fermés, donc quand vous parlez, vous vous entendez, personne ne vous entend. Donc, ouvrez le micro, parlez une seconde et puis vous refermez. Bonsoir, monsieur. Oui. Shalom. Voilà, je peux continuer, n'est-ce pas? Oui. Bonsoir. C'est extrême confiance là, en lisant la dernière fois le livre des deux rois, chapitre 18, nous avons vu exactement comment Israël a été muselé par le roi d'Assyrie et Rabshakeh, le chef du roi, le chef de garde, était venu museler et entourer Israël au point où il a commencé à haranguer la foule, haranguer Ézéchias en disant clairement de sa propre bouche qu'Ézéchias ne vous trompe pas. Quel est le Dieu qui a pu délivrer son pays de même? Il dit, quelle est cette fausse confiance? Il lui a posé la question, en qui as-tu mis ta confiance? Cette parole-là doit être challengée et cette parole doit challenger également tous ceux qui invoquent le Seigneur. Est-ce que nous avons vraiment confiance en Dieu? Est-ce que dans une épreuve quelconque que nous subissons chaque jour dans nos vies, dans nos relations quotidiennes, tout autour de nous, au service, avec nos maris, avec nos femmes, ainsi de suite, avec nos voisinages, nos camarades, les moqueries que nous avons, est-ce que nous avons confiance au Seigneur et sa délivrance? Nous allons voir en continuant la suite d'aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible certaines promesses de Dieu, les gens qui en ont vécu, et nous allons voir qu'il est effectivement digne de confiance afin que la relation soit établie proche pour nous, pour que nous ayons les confiances de la même façon qu'eux, ils ont aussi en eux. Dans Genèse chapitre 15, le verset 16, dont le frère a rappelé tout à l'heure, la Bible déclare qu'Abraham eut confiance à Dieu. Abraham eut confiance à Dieu. Quelqu'un qui a confiance en une personne qui ne voit pas, et cela lui fut imputé à justice. Au sommet du mont Morija, il a voulu sacrifier son fils Isaac parce que la Bible déclare que dans son esprit, il croyait que même s'il sacrifiait cet esprit, cet enfant-là, il le recouvrirait par une sorte de résurrection. Il le dit alors qu'à ce moment-là, il n'a jamais entendu parler de résurrection quelque part. D'où venait-il de ça dans son esprit qu'il croit que même si tu sais cet enfant, si l'enfant va ressusciter. Il avait la promesse du Messie dans son cœur. Nous allons lire le psaume 27. Ouvrons le livre de la Bible dans le livre du psaume 27. Le psaume 27, je crois que la dernière fois nous avons lu cela. Psaume 27. Le psaume 27. Quelqu'un peut-il lire le verset 1 à 3? Celui qui a une bonne connexion qui pourra lire sans tripatouillage des réseaux. Des réseaux. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, je sens mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Voilà. Donc, la Bible déclare dans ce livre de psaume 27, le psalmiste David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Donc, lorsqu'il a analysé et compris que l'Éternel est sa lumière et son salut, c'est que les chrétiens réclament comme Jésus est notre lumière, Jésus est notre salut. Mais nous dormons aujourd'hui, les chiens nous poursuivent. Nous dormons aujourd'hui, les chiens veulent nous manger. Lui dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous entendez, pasteur, j'ai peur. La souris est passée. J'ai rêvé le chat. Le chat me poursuivait. Elle voulait me griffer. Je lève les serpents chaque jour. La Bible déclare de qui aurais-je peur? Puis, la Bible déclare verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, écoutez très attentivement, sous toute forme, prenez dans la sorcellerie, prenez dans tout genre de cabale, dans tout genre d'esquisse de méchanceté. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancelle et tombe. Puis il dit, si une armée campait contre lui, il n'aura point de peur dans son cœur. La question c'est, celui-ci c'est un roi, dont vous avez vu le témoignage dans la Bible comme celui qui part au combat. En allant au combat, il pose la question à Dieu s'il va vivre, s'il va être livré ou bien si Dieu va le délivrer. Dieu lui dit, oui, il avance. Quelqu'un qui faisait totalement confiance en Dieu. Vous pouvez comprendre donc l'expression de son âme ici. Il faisait totalement confiance en Dieu au point où il savait très bien que même s'il était dans le palais et que les militaires étaient toujours de toutes parts dehors, encerclant son palais, il avait une sérénité et une confiance absolue au Seigneur qui pouvait le délivrer, même dans ces circonstances. Et Dieu a démontré dans la Bible qu'il était digne de confiance, effectivement. Nous avons vu à plusieurs endroits, pour le cas de David si particulièrement, lorsque son prédécesseur, le roi Saül, le poursuivait, comment il a encerclé plusieurs fois, Dieu créait les événements pour le débarrasser de lui. Vous voyez, effectivement. Et très tôt, il a compris qu'il fallait faire confiance au Seigneur, qu'il ne s'appuyait pas sur son épée. Il ne s'appuyait pas sur ses grands généraux Joab, Abner, fils de Ner, tous les autres grands généraux qu'il a eu pour pouvoir lutter. Chaque fois qu'ils allaient en guerre, malgré que la Bible déclare que celui-là, l'autre général était de même gauche, d'un seul trait, il pouvait frapper 1000 personnes, il savait très bien que la délivrance venait de l'Éternel. Alors, voici quelqu'un qui avait une totale, sinon, une absolue confiance en notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, Dieu a mis tous ces héros dans la Bible pour nous montrer qu'il est digne de confiance. Et nous, que ferons-nous aujourd'hui? Sommes-nous prêts à nous abandonner? Abandonner tout notre être entre les mains du Seigneur au point où, lorsqu'une menace se lève contre nous, nous soyons sereins. Nous soyons confiants en disant, droit devant notre persécuteur, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela n'a été donné depuis le ciel. C'est-à-dire que si n'importe quoi doit vous arriver, c'est le ciel qui doit décider et non celui qui est devant de vous pour parler. Lorsque le Seigneur était tenu devant Pilate, Pilate lui a dit, ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il croyait effectivement qu'il pouvait décider que la loi italienne qu'il avait de donner la liberté aux prisonniers, comme la Bible déclare dans ce livre de Luc chapitre 23, qu'il était obligé de laisser à chaque fête des prisonniers que les juifs réclamaient. Ça, c'est la loi humaine. Mais il avait un prisonnier devant lui qui était différent de tous les autres prisonniers. Donc la loi devait être réglée. Les clauses, c'est le ciel qui réglait ses décisions sur la terre et tout ce qui devait lui arriver. Tout ce qui était arrivé au Seigneur Jésus-Christ de la terre, pendant qu'il était sur la terre, depuis le berceau jusqu'à sa mort, était prévu dans les Saintes Écritures, prévu, écrit de lui. Alors, toute personne qui venait vers lui était venue selon les Saintes Écritures. Et donc, Pilate, ne connaissant pas les lois de Dieu, ni la volonté de Dieu, ni ce que Dieu a prévu pour lui et pour celui qui est au devant de lui, a pensé que ce prisonnier était un prisonnier comme quiconque. Et même, de la façon que le Seigneur Jésus-Christ est, c'est la même façon que chaque chrétien qui lui appartient est. En fait, la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, ceux qui sont connus de lui, il fait concourir toutes choses en leur bien. Et donc, si Dieu t'a connu d'avance, il t'amène au devant de lui, et si dans son plan tu vas passer devant un roi, ce roi-là ne décide pas selon le plan humain, il décide ce que le ciel aura décidé. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous voyez également un autre summum là-bas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, la Bible déclare que le roi Hérode avait fait mourir l'apôtre Jacques. Et durant la fête, voyant que cela plaisait aux Juifs, il a ajouté à cela la fermeture, il a emprisonné l'apôtre Pierre. Et voyant, attendant que les fêtes puissent passer pour qu'il les livre également pour être tué. Mais Dieu, dans son plan, avait décidé que l'apôtre Pierre devait faire perdre ses brebis. Mais n'avait pas donné cette promesse-là à Jacques. Il a décidé que Jacques devait quitter la scène. Les gens croyaient que c'est eux qui tuaient Jacques. Non, c'est pas eux qui tuaient Jacques. C'est le moment de sortir du monde qui était voulu par Dieu. Remarquez très attentivement, à partir du verset 1 du chapitre 12 des Actes des Apôtres, verset 5 dit, il était couché dans la prison, relâché comme ça dans la chaîne, gardé par quatre gardes de chaque escouade chacun, il était là abandonné. Et en plus d'être dans la prison, il était enchaîné. Donc on disait, comme vous disparaissez chaque fois, parce que vous regardez au chapitre 3, on l'avait mis en prison, au chapitre 5, on l'a mis en prison, ils ont disparu. Ils étaient dans le temple pour toujours parler de Jésus. On a dit, ok, la chaîne va t'enchaîner ici dans la prison. Malgré d'être dans la grille, quatrième grille de la prison, on a encore enchaîné. La Bible déclare qu'il était couché. Un ange a fait son entrée dans la prison. On l'a frappé par la corde, lève-toi, porte ses sandales. La Bible déclare que les grilles de la prison s'est ouvertes de lui-même. Il est sorti, il pensait rêver. L'apôtre Pierre pensait rêver. Il était couché en prison avec le Saint-Esprit. Il n'a pas fermé les yeux pour dire, je suis délivré au nom de Jésus. Je sors de la prison au nom de Jésus. Je sors de la prison, je ne crois pas que la prison est là. Je confesse la confession positive que je ne vois pas la grille devant de moi. La grille n'a pas de pouvoir sur moi, la chaîne. S'il faisait cela, il a compris que s'il faisait cela, même les propres forces qui lui restaient pour se coucher, comme les pentecôtistes le font aujourd'hui, ça, les forces lui restaient pour résister, il ne devait pas dépenser cela en énergie. Alors Dieu a envoyé son ange pour le délivrer de là-bas. Lorsqu'il est sorti, il a dit, je vois maintenant avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc Dieu sait exactement où les gens se trouvent. Il sait exactement où les chrétiens se trouvent, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez sur cette terre. C'est ça, le même apôtre Pierre qui sera exactement chez son homonyme Simon, le corroyeur en bordure de mer là-bas à Césarée, à Jopé. La Bible déclare qu'en Cornée priait, l'ange est descendu du ciel. Il lui a donné l'indication exacte de là où l'apôtre Pierre logeait. Il dit, allez à Césarée. Allez appeler l'apôtre Pierre à Jopé là-bas, de ce côté-là. Il dort dans une maison d'un monsieur qu'on appelle Simon. Elle est contiguë en bordure de mer. Donc, aussi, on connaît le renseignement de là où tous les enfants de Dieu se trouvent. Donc, quel que soit l'enfant de Dieu qui fait que tu travailles n'importe où, tu as de vivre la fraude, au ciel, on connaît ton renseignement. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus marchait en Galilée, alors qu'il montait à Jérusalem, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, il a dit, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. On se moquera de lui, on crachera sur lui, on le crucifiera. Mais après 3 jours, il ressuscitera et je vous procéderai en Galilée. Il n'y comprenait pas. Si vous lisez à Luc chapitre 23 et chapitre 24, vous allez remarquer que quand le Seigneur Jésus va ressusciter, quand les femmes vont venir au tombeau le matin pour pouvoir le embaumer des myrrhes et des cinnamomes dont ils avaient fait, de tous les parfums dont ils avaient fait, la Bible déclare qu'elles vont se tourner, vont voir deux jeunes hommes. Et les jeunes hommes qui sont des anges vont leur rappeler que souvenez-vous des paroles que vous avez dites lorsqu'il était encore en Galilée. Les anges citent exactement la même parole. Or, lorsque le Seigneur Jésus prêchait, il est parlé là, les anges ne tombent pas là. Ils ont tous les renseignements. Que Dieu vous ait dit quelque chose, les anges sont au courant. Qu'il y ait n'importe quoi qui vous arrive, ils sont au courant. Mais ils doivent être envoyés en mission. Comme ces trois-là qui sont envoyés dans cette ministère-ci. Ils doivent être envoyés en mission pour faire le service au milieu des saints. Quand nous entrons dans l'avion, ils n'ont pas besoin de prendre le visa. C'est nous qui prenons le visa. Quand on arrive, si on va en Belgique, ils y sont. Si on va n'importe où, ils nous trouvent tout simplement là-bas. Ils n'ont pas besoin de prendre l'avion, nous demander quoi que ce soit pour n'importe qui. Mais ils sont là assignés au service des saints pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, lorsque vous lisez la Bible, il faut que vous regardez de la même façon que Dieu délivre quand il veut, comme il veut. Et toutes choses arrivent à tous ceux qu'il a choisi, comme il veut, selon son plan. Et si rien ne doit vous arriver, rien ne vous arrivera. L'apôtre Paul était trimballé à l'issue de cette lecture que nous avons lu ici dans Actes chapitre 26. Il va faire appel à César et par conséquent, on va le trimballer à Rome pour faire voir César. Et en fait, en toile de fond se trouve le mystère de Dieu pour annoncer l'évangile à ceux qui sont à Rome. Parce qu'il savait dans son esprit que le Saint-Esprit l'appelait à annoncer là-bas. Mais maintenant, il n'avait pas les dîmes et les offrandes qui pouvaient le payer le transport. La meilleure façon de le faire, c'est qu'il fallait que Satan le trimballe là-bas dans son territoire. On a amené, et plus tard, vous remarquez dans Actes chapitre 27 et chapitre 28, la Bible déclare que durant la nuit, il y a tellement ces cyclones-là qui vont souvent frapper les États-Unis, qui vont frapper le bateau. Au point où il a dit clairement qu'un ange du Seigneur que je sais, m'est apparu cette nuit, il m'a dit, je te donne tous ceux qui sont dans ce bateau-là. Vous voyez effectivement comment Dieu vient donner même les prisonniers qui étaient là, même les militaires qui gardaient les prisonniers entre les mains d'un prisonnier. Donc un prisonnier chrétien, un persécuté chrétien n'est pas comme un autre prisonnier. Un chrétien qui est malade n'est pas comme un autre malade. Un chrétien qui passe par des difficultés n'est pas comme les autres difficultés. Parce que sa difficulté est sous contrôle et a un but précis pour glorifier le Seigneur de l'univers. Donc, nous avons besoin d'une absolue confiance au Seigneur. Et pour que ceci arrive, il faut que les murs de raisonnement, de nos raisonnements puissent quitter la scène. Il faut que les choses sur lesquelles nous nous basons, ces choses-là sur lesquelles nous comptons, comme notre propre force, puissent être éliminées. Tant que ce n'est pas éliminé, en fait, si nous ne l'éliminons pas, Dieu créera des troubles pour éliminer cela parce qu'il va nous demander d'apprendre à lui faire confiance. Alors, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 43. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 43 d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, versets 1 à 5. Qui va nous lire ça? C'est la sœur Christine qui va nous lire ça ou bien? Ok, quelqu'un d'autre va lire alors? Ou bien c'est la sœur Suzanne Cloudon? Ou bien c'est qui alors? Oui, je vais lire. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Voilà. Tout ce... Amen. Voilà. Merci ma soeur. Vous voyez effectivement que cette parole adressée à Israël comme la plus des yeux de l'Éternel montre clairement comment le pays d'Israël doit dépendre totalement de lui. Maintenant, en première vue, il s'adresse à Israël. Parce que là, il dit effectivement qu'il est prêt à donner l'Égypte et l'Éthiopie même à cause de lui. Il est prêt à donner des hommes. Remarquez très bien, les créatures qui sont des hommes sont créées par lui. Dieu dit, il est prêt à sacrifier ces personnes-là pour Israël. Alors, je vous ai toujours dit dans les enseignements que Dieu peut bouleverser tout un pays à cause d'un seul homme. Tout un pays. Des catastrophes naturelles, il peut créer les catastrophes naturelles pour attirer l'attention de quelqu'un, pour qu'on montre sur une chaîne de télévision, la personne voit la grandeur de Dieu dans ce contrôle-là, il se convertit à cause de cela. Mais les gens vont être frappés. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, ne crains rien, je viens, je te rachète. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et nous avons vu un exemple dans la Bible, ou mieux, des exemples. Nous avons vu au travers des eaux de Noé, comment Dieu était capable de délivrer celui qu'il avait désigné. Nous avons vu effectivement, au travers, lorsque les Juifs sortaient de l'Égypte, nous avons vu comment il a choisi le peuple juif, que Dieu a dû lever son bâton, toutes les forces d'acheminement, les poussées d'acheminement, la loi a été bannie là-bas, pour que les eaux se coupent. La Bible déclare que les eaux formaient deux murailles. Ce qui n'est même pas courant. Comment une rivière qui coule, si on fend, on bloque la rivière, la partie qui coulait en bas doit continuer. Mais la Bible déclare que les eaux formaient une muraille pour créer passage au milieu. Les Juifs sont passés à sec pour aller de l'autre côté. Et les Égyptiens, dont nous voyons ici, ont voulu passer. Et la Bible déclare, le Seigneur a fait tomber sur eux, renverser cheval et cavalier. Vous avez vu? Donc il a traversé les eaux avec les Juifs pour les mettre à l'abri. Il a traversé les eaux du déluge avec Noé pour les mettre à l'abri. Quand il était sur la terre lui-même en personne, il marchait sur les eaux. Les apôtres ont dit, ici c'est toi, Seigneur, dis que je viens. L'apôtre Pierre est entré dans les eaux, il a commencé à marcher exactement comme lui. Quand il a commencé à vouloir se noyer, il a traversé, il lui a tendu la main, il l'a sauvé. Donc ces versets-là, c'est vraiment appliqué sur le plan physique. Ce n'est pas seulement une théorie. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Nous avons vu donc plusieurs exemples de ceux qui ont traversé les eaux, il a été là pour les délivrer. Nous avons vu également le cas de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 28 et 27, dont j'ai cité tout à l'heure, où la cyclone était les tempêtes jusqu'à ce qu'ils ont échoué sur l'île de Malte. Était là, l'ange est venu dans le bateau, il n'a pas fait disparaître. L'ange n'est pas venu stopper le cyclone. Il n'a pas venu garder le bateau, il est venu donner la parole de réconfort. Ne crains rien, il ne se perdra point ses cheveux. Dieu est avec vous. Vous voyez, effectivement, il peut être confiant parce qu'il sait quel Dieu il sait. Il a une relation personnelle avec lui, il a entendu une voix, il a vu un ange. Avec ces choses-là, ces éléments-là, il peut voir ce que les hommes ne voient pas. Il peut être confiant là où il y a le trouble, il peut croire ce que les gens ne croient pas, il peut être calme lorsqu'il y a des ébullitions tout autour. Alors, le deuxième volet parle du feu. Il dit que si tu es même dans le feu ne peut pas te brûler. lorsque Sodome et Gomorrhe devaient être brûlés, nous avons vu effectivement comment le soufre qui tombait là-bas n'est pas tombé sur l'autre et ses filles. Dieu a fait sortir ces gens là-bas avant que le feu ne les brûle. Nous avons vu le cas d'Abednego, dont nous allons lire tout à l'heure, dont Dieu est digne de confiance. Nous avons vu plusieurs personnes dans la Bible dont le feu n'a pas pu atteindre à cause du fait qu'ils avaient été avec Dieu. Donc, nous voyons qu'une promesse de Dieu est donnée dans la Bible pour faire confiance. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Il s'est fait confiance. Il dit, ne crains point. Quand il dit ne crains point, ça montre qu'il y a une expression de crainte potentielle tout autour. Dieu ne peut jamais dire à quelqu'un, ne crains point, s'il n'y a pas de sujet de crainte. Il y a un sujet humain de crainte, mais Dieu veut dire, au-delà de cette épreuve, je suis avec toi. Au-delà de cette épreuve, je suis avec toi. Quand le Seigneur dit ne crains point, il veut dire au-delà de ces épreuves, c'est sous mon contrôle. Rien ne t'arrivera. Même si quelque chose arrive, nous sommes ensemble. C'est ce que Dieu a envie de dire. Lamentations chapitre 3. Une totale confiance en Dieu. Souvenez-vous, pour que vous fassiez confiance de ce côté-ci, il faut que tous vos attributs de brebis puissent être manifestes en vous. Pour que vous fassiez confiance comme Dieu le dit. Que vous vous teniez, on vous trimballe dans les tribunaux. On veut vous persécuter. Vous restez calme en ayant confiance que toutes les questions que le juge va poser, le Saint-Esprit va répondre. Vous devez avoir confiance au Saint-Esprit. Et pour que vous ayez confiance comme ça, j'ai dit donc, il faut que toute l'expression et des attributs des brebis soient manifestés au travers de vous. C'est-à-dire l'expression du mouton. Parce que brebis, ça veut dire les moutons. Les moutons ne savent pas se défendre. Quand on les égorge, ils ne se battent pas comme le lion. Essayez d'égorger un lion vivant, vous allez savoir de quoi il est question. Mais le mouton, vous le trimballez n'importe où, vous le tirez n'importe où, vous le tuez n'importe comment, il ne se bat pas. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas, mes chers frères? C'est l'expression des chrétiens, celui qui ne se défend pas. Le chrétien n'a pas de compte pour frapper sur les gens que, hein, j'ai fait le caractère, tu tentes, il va te montrer. Non, c'est que tu n'es pas encore un mouton. Voilà. Lamentations chapitre 3, versets 26 et 27. Prenons le verset 25-26. Ce sera bon comme ça. Je vous écoute. L'Éternel a de la bonté. Pour qui est-ce en lui? Pour rien qu'il cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme. Oui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Celui qui espère en l'Éternel, il a de la bonté devant le Seigneur. Pour l'âme qui le cherche, veuillez souligner, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc en toute situation, on ne panique pas. On attend en secours, quoi, en silence le secours de notre Seigneur. Vous croyez au Seigneur, des événements vont vous arriver pour tester votre foi. Des événements vont nous arriver. Je ne suis pas excepté. Personne n'est excepté. Parce que quand il a dit vous aurez le tribulation, il n'a pas dit excepté les apôtres. En fait, c'est même eux qui sont d'abord regardés comme les balayures, de moins que rien. Ceux qui sont persécutés parce qu'il est écrit, frappe le berger et les brebis seront dispersés. Ils savent que c'est ceux-là les cibles. Remarquez que dans le livre de Luc chapitre 22, verset 31, la Bible déclare que le Seigneur a révélé à Simon et aux autres que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Vous voyez cette guerre invisible qui est contre les serviteurs du Seigneur. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta faille ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan, les disciples marchaient chaque fois avec le Seigneur Jésus. Mais ce qui se passe de l'autre côté du rideau, au-delà de la chair, personne ne savait de quoi il est question. Si le Seigneur nous dit à cette... Oh mon Dieu, c'est les Ivoiriens. Ce n'est pas votre jour ici. Là, c'est le temps de Belgique. Si le Seigneur n'avait pas dit dans cette phrase-là que c'est ce moment que Dieu veut comme ça, que Satan a réclamé les apôtres pour les cribler, personne n'aurait su qu'il y a une discussion entre Dieu et Satan concernant les apôtres. Donc, personne n'a accepté. Alors, Dieu veut que nous ayons une totale confiance en lui. Quand nous sommes accusés injustement, et c'est donc là où vous allez voir effectivement la nature de l'humilité chrétienne. Très souvent aujourd'hui, quand nous sommes accusés injustement ou n'importe comment, on veut se défendre, on veut trouver des façons pour se défendre. Dieu m'a appris à ne pas me défendre désormais. Il m'a appris à ne pas me justifier devant les hommes. Comme l'apôtre Paul a dit, mon grand frère, 1 Corinthiens chapitre 4, il dit que il m'importe fort peu d'être jugé par un tribunal humain. Celui qui me juge, c'est Dieu. Donc vous voyez effectivement que ici, on dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelle que soit l'accusation qu'on t'amène, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit au travail, n'importe comment, Faites confiance en Dieu et vous allez le voir à l'œuvre. Faites confiance au Seigneur, vous allez le voir à l'œuvre comment il va confondre les ennemis. Il va confondre tous ceux qui s'élèvent contre vous. Il faut seulement que guiez n'importe quoi. Ne cherchez pas à vous défendre. Considérez-vous comme des moutons. Seigneur, je ne sais rien. Je ne veux pas penser à quoi que ce soit. Je dors tranquille, même si ça va me coûter la vie. Même si ça va me coûter le renvoi. Cherchez des rapports comme ça avec le Seigneur. Vous allez voir, il va se glorifier. Même si ça vous coupe le licenciement. Même si ça vous coûte n'importe quoi. Faites confiance au Seigneur. Vous allez voir, il va se présenter. Vous allez le voir qu'il a manifesté sa puissance. La Bible déclare qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence. Ça veut dire restez tranquille. Ne pas vous inquiéter. Ne pas trop psalmodier pour que, en croyant qu'en psalmodiant comme ça, c'est ça qui va se manifester. Ce n'est pas lorsque, quand vous entendez de telles choses et que vous voyez la doctrine de la pensée positive et la confession de la parole, vous voyez effectivement que ça, il y a quelque chose d'anormal avec les gens d'aujourd'hui. On croit que c'est à force de répéter, Seigneur, je brise tel problème, ou je me carte de tout problème, je fais les pensées positives et tape ma tête pour que le problème n'entre pas. Je ne vois pas ce problème. Ça, c'est la politique de l'autriche, ça. Ça ne marchera pas. Le remède de la Bible, c'est de rester tranquille, en silence, croyant que Dieu va le faire. Regardez effectivement ce qui est arrivé dans deux rocs dont nous avons lu la dernière fois. Rabshak est arrivé. Sachant effectivement que les Juifs avaient celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel avec eux. Il a commencé à prêcher à la foule. Qu'Ézéchiel ne vous trompe pas. Quelle est cette confiance? Tu comptes sur quoi pour oser t'opposer au roi d'Assyrie? Ce grand roi qui a brisé tous les royaumes de la terre. Quel Dieu lui a résisté? Sur quel Dieu te reposes-tu? Mais en qui as-tu mis ta confiance? C'est la question qu'il lui a posée. Ézéchiel, la Bible déclare, Ézéchiel avait dit, le prophète Ézéchiel, quoi, le roi Ézéchiel avait dit que chacun reste silencieux. Et ils sont restés silencieux. Le chapitre 19, dont je vous ai fait état de lire la prochaine fois, enfin la suite, la Bible déclare dans ce chapitre 19 qu'Ézéchiel a envoyé dire à Esaïe d'invoquer l'Éternel, le prophète, et le fils d'Amout, d'invoquer l'Éternel. Et j'espère que l'Éternel a entendu les insultes dont lui a fait Rabshaké. Et Dieu a dit au prophète Esaïe, va lui dire, ne crains pas ces deux tissons fumés dont vous voyez là. Donc, maintenant, nous allons lire maintenant deux passages avant de conclure ce soir, si telle est la volonté du Seigneur. Allons dans le livre du prophète Daniel, chapitre 3. Notez Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. Daniel, le chapitre 3. Vous allez lire en 5 versets. Donc, chacun va lire 5 versets. La personne qui commence après passe le relais à l'autre. Et à l'autre passe le relais à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Je commence. Alors, Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Je continue? Il était question qu'on chacun lit 5 versets. Amen.

Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nébuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Vous voyez que la prospérité d'Abednego, Shadrach, Meshach n'est pas venue par la contribution des dîmes, des offrandes des fidèles, n'est-ce pas? C'est venu à l'issue du fait qu'ils aient traversé le feu. Mais maintenant, que vous suscite, je vais vous poser la question maintenant, ouvrez les micros, que vous suscite dans la lecture de ce passage-ci, avec le thème que nous sommes en train de voir? Je veux que vous parliez personnellement maintenant. Qu'est-ce que ça vous suscite avant qu'on continue? On voit qu'ils ont eu une totale confiance en Dieu, quoi. Mmh. Les yeux fermés, enfin, ils avaient une foi énorme. Mmh. Donc, ils préféreraient mourir plutôt que d'adorer cette fameuse statuette. Oui. Qui donc? Ouais. La sœur Christiane? Mmh? Oui, la sœur Christiane, on t'écoute. Je dis, c'est l'intégrité. Moi, depuis que j'ai grandi, je suis convaincue que tu parles, je sais que Dieu est en train de me parler. Parce que c'est vraiment le sujet que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, je sais que c'est l'intégrité parce que le Seigneur m'a mise dans une entreprise maintenant où j'ai des difficultés. Souvent parce que je dis, par exemple, aujourd'hui j'ai par exemple eu un cas où un de mes vendeurs m'a crié dessus dans le bureau parce que je ne voulais pas mentir à un client. On avait un souci, de prison du client. Le vendeur. La sœur Christiane, ton témoignage est merveilleux. Rapproche-toi du micro parce qu'il y a un peu la sonorité n'est pas bonne, comme ça on puisse bien te percevoir. Oui. Oui, vas-y ma sœur. Oui, entre-temps, la sœur a d'abord son micro pour que le son soit bon. Je disais que ce que tu as, quand je me suis connectée, j'ai senti que le Seigneur me répondait. Donc, parce que je traverse un peu ça maintenant. Le Seigneur m'a mise dans une entreprise, tu vois. J'ai par miracle même qu'il m'a mise là-bas, parce que je ne sais même pas ce que je fais là-bas. Il m'a donné un poste de responsabilité, alors que je sors carrément de plusieurs années où je faisais les ménages. Et j'ai demandé, le Seigneur m'a mise carrément à la tête d'une équipe. Et arrivé là-bas, les gens contestent beaucoup mon autorité. Je ne sais pas si c'est parce que je suis étrangère, je suis une femme ou quoi, je ne sais pas. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu un cas où le vendeur a crié sur moi, parce qu'on a déjà tellement crié sur moi là-bas plusieurs fois et je ne réponds pas. Et c'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois aussi de me justifier. Tu vois, il y avait des situations. Ce que tu as dit, c'est vraiment à moi que tu parlais, j'ose croire. Parce que parfois, je vois comment je me donne pour ce travail. Et chaque fois quand il y a des trucs qu'on essaie de mettre sur ma tête ou quoi, et ça m'est arrivé quelquefois de vouloir me justifier, et le Seigneur me poussait du même au travers des gens, me dit tais-toi, mais ça me démangeait. Et aujourd'hui, le vendeur m'a crié dessus parce que j'ai refusé de mentir à un client, parce qu'on ne pouvait pas livrer à temps, et il m'a dit de mentir. J'ai dit non, je vais appeler le client, et lui dit la vérité, même s'il me crie dessus. Et le vendeur m'a vraiment grondé, quoi, grondé comme un enfant. Et bon, voilà, et ce qui se trouve, c'est que plus tard, le client est arrivé. J'étais dans mon bureau, le vendeur est arrivé par précipitation comme ça, je m'arrêtais même à rentrer. Ils sont rentrés dans mon bureau, je ne comprenais rien, j'étais pressée de rentrer pour retrouver mes enfants et tout. Et puis le vendeur a commencé à mentir devant moi. Et j'étais toute glacée. Parce que quand il parlait sur le thème, il me dit, Christiane, j'étais glacée, je savais, j'étais tellement surprise par là. Quand je suis restée, même ma bouche, je me souviens, j'étais comme ça. Je ne bougeais pas. Donc quand tu me tu parles ce soir, je comprends vraiment à quel point Dieu me dit encore des trucs. Ouf, d'être plus vivace, plus intègre et de prendre le risque, s'il faut le dire même devant le client, même s'il mange, je dis non, monsieur, c'est qui m'a dit, je ne participe pas, c'est parce que ce n'est pas, c'est pas vrai. Parce que j'étais tellement choquée quand c'est mis à me mentir devant moi. J'étais vraiment glacée. Je ne savais même plus parler. J'étais tellement choquée. Donc voilà, donc. Je reconnais que le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Amen. Amen. Son nom est glorieux. Qui d'autre? On passe la parole à qui? Amen. Par rapport au texte de Daniel chapitre 3, déjà. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, la sœur amie, qu'est-ce que ça t'inspire là, au moins, ou bien la sœur reine? Qu'est-ce que ça t'inspire, la lecture de la tête de... Parce que j'ai vu comment tu faisais une tête là, tu bougeais la tête tout à l'heure là, comme ça, avec Shadrach. Tu as dit, si c'est moi, c'est chaud. Vas-y, parle-nous. Oui, mon frère, c'est clair, comme la sœur Christiane dit, c'est difficile, hein? Surtout dans le travail. Moi, quand je secoue la tête, chaque fois même dans les enseignements, quand j'écoutais ces trois hommes-là, je me dis, est-ce qu'un jour je serai comme ça? Parce que moi, j'avoue que vraiment être un être comme ça, je ne sais pas si je serai capable. Hier, j'ai eu aussi la même chose à l'hôpital et je n'ai pas pu prendre position parce que on avait un problème avec le laboratoire et j'avais une patiente qui n'était pas bougée. J'ai fait une proposition dans le pied, dans le dos, comme on fait sur la péridurale. Ce qui fait que c'est déjà un examen qui est très compliqué et pour le médecin que pour le patient. Donc, on a perdu les tubes de la patiente. Donc, il fallait refaire l'examen. Et j'avais ma chef qui était là qui me mettait la pression. On arrive, elle dit non, moi je vais refaire l'examen maintenant, mais c'est toi qui parles à la patiente, je la regarde comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce que, elle me dit non, tu lui dis pas qu'on a perdu. Et du coup, je suis restée, je la regardais, elle me dit, tu entres, tu lui dis qu'on doit juste rechercher un autre truc. Et j'avoue que là, je n'ai pas pu prendre position pour dire non, il faut dire la vérité aux patients. Ça m'est arrivé de dire la vérité aux patients quand on a ce genre de problème de perte, de devoir repiquer le patient pour à cause du laboratoire. À certains patients, j'ai souvent dit la vérité, mais quand je la regardais et après, franchement, j'étais pas bien. C'était une journée très difficile. Donc, cette intégrité-là qu'ils ont, je dis toujours, je ne sais pas. Vraiment, cette totalité d'abandon au Seigneur, c'est vraiment pas encore mon niveau, quoi. C'est difficile. Ah, bienvenue à la soeur, au frère Trabi, qui a finalement, il est finalement arrivé à la maison. Et quoi que vous allez voir, il va faire un bisou là à son épouse, là maintenant, c'est en direct que ça se passe. Et. Gloire soit rendue au Seigneur pour nos yeux qui voient cela maintenant. Merci. Bonne arrivée. Alors, comparer la sévérité, la colère du roi avant la résistance de Abel Shadrach, avant qu'il soit jeté dans les flammes et après qu'il soit sorti des flammes. Qu'est-ce que vous voyez comme comportement du roi Nebuchadnezzar? Qu'est-ce que vous comprenez en analysant sa pensée? On dit la colère du roi, c'était extraordinairement chauffé. Comme la colère, vous voyez, à l'issue de sa colère, on a multiplié le feu, quoi, la punition du feu, 7 fois. Ordinairement, on chauffait peut-être en 1 fois, on chauffait dans 7 fois. Parce qu'il était tellement en colère. Comparer cette colère-là et la bonté et puis la confession qu'il a fait de Dieu, de Shadrach, Abednego et Shadrach, à cause d'un acte de désobéissance du décret royal. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à Nebuchadnezzar, vous? Moi, ma question est la suivante. Pourquoi ils ne se sont pas convertis, je ne sais pas moi, au christianisme? Parce que c'est la question que je me pose. Ben, il a reconnu que le Dieu oui. De oui, mais le Daniel était c'est pas le... son Dieu. Néanmoins, il La cercle dont il demande que Nebuchadnezzar se convertisse en christianisme. Jésus n'était pas encore là. Il ne pouvait pas se convertir, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore. Non, mais oui, mais enfin, je me comprends. Ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas croire à ce Dieu, justement. Par ces paroles-là, ça montre clairement qu'il vient d'adhérer à ce Dieu-là. Il connaît maintenant ce Dieu-là et il est maintenant son serviteur. D'accord, ma soeur? Donc, il a quitté de la divinité païenne parce qu'initialement, on parle des statues d'or et de ces dieux. On a dit clairement que ces gens-ci, ces juifs-ci que tu as amenés et que tu as mis dans ton royaume ne servent pas tes dieux. Donc, ils avaient une panoplie des dieux. À cet instant-là, il a dit clairement quel est le dieu qui peut délivrer des mains comme le dieu de Shadrach, Abednego et Shadrach. Et il a même sorti un décret à partir de cet instant-là que si quelqu'un parle mal contre ces dieux-là, on va le détruire non seulement lui et sa famille. N'est-ce pas ce que la Bible déclare dans le commandement de Moïse, que si quelqu'un prononce le nom de Seigneur, envahissera la population du milieu de ce peuple? Alors, je vous pose la question. Mais c'est pas lui qui a fait, le Seigneur l'a encore mis dans la... C'est l'objectif du deuxième passage que nous allons lire dans le chapitre 6 des derniers cette fois-ci. Alors, on va voir donc une autre chose. Mais avant d'aller voir d'autres passages, avant de revenir dans le dernier chapitre 6, je me dis donc qu'on commande. Si vous avez été, parce qu'il prend, les deux témoignages des soeurs qui travaillent, la responsable et la dame en blanche là, avec les seringues. Lorsque vous entendez cela, si vous avez c'est été... Pareil, comment mon frère? Il dit c'est pareil chez moi aussi. Hein. Raconte-nous mon frère, bien arrivé. En fait, il faut dire que dans ces temps-ci, c'est vrai que je postule, j'ai pas encore eu le boulot, mais j'ai un frère ici qui fait la livraison en fait des produits Vivier. Donc il m'a appelé pour qu'on puisse travailler ensemble pour le moment. Donc travaillant avec lui, vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain concernant la marchandise. Parce que par moment, quand la marchandise vient et que y a certains qui sont abîmés à l'intérieur, il faut les enlever. Donc quand on les enlève, c'est la pète. Donc en fait, c'est un constat qu'il ne veut pas faire en fait. Il ne veut pas admettre, même si c'est gâté. Si c'est pas trop bien, on peut pas livrer. Mais il essaie de mélanger là-bas pour que les gars puissent livrer. Donc aujourd'hui même ce problème s'est posé puisque nous sommes allés dans un magasin et avant de livrer, en fait, il m'a dit de dire au propriétaire qui avait besoin du colis que que le colis était nouveau. Or le colis était ancien. Donc quand il a dit il est regardé comme ça. Monter cru comme ça devant le monsieur que c'est un nouveau produit, vraiment ça m'a. J'étais un peu bizarre. Mais je lui ai rien dit, malgré ça, j'ai pris le colis et c'est allé ça chez celui qui doit acheter, chez le magasin. Donc, arrivé là-bas, le gars me demande si c'est nouveau. Donc, j'ai regardé la personne, le monsieur, il a regardé. Comme Dieu sait faire ces choses, le patron même en question est venu par derrière et c'est lui qui a répondu que oui, le produit est nouveau. Le propriétaire t'a délivré du mensonge. Voilà, il est venu derrière. Avant que j'ouvre la bouche, lui-même il est venu dire oui, que c'est nouveau. Ça vient d'arriver. Ok, arrêtons. Avant que tu ne continues ton histoire, supposons que le patron n'était pas venu et que celui-là était devant toi et attendait la réponse. Que lui aurait-il dit? C'était en tout cas... C'était fort. Là, maintenant, on va s'arrêter. On va faire une alliance maintenant. Je ne peux pas continuer comme ça avec vous indéfiniment sur cette terre-ci. On va s'arrêter. On va régler les problèmes ici, là, maintenant. D'accord? C'était très, très, très attends d'abord. C'était très fort. Maintenant, ça sera plus fort maintenant. Que c'est comme moi. C'est comme la situation. Attendez. On va faire quelque chose maintenant avec la Bible. Vous convenez avec moi que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. En lui, il n'y a ni fraude, ni voie détournée. Le passage que nous venons de lire montre clairement que ces gens s'y sont arrivés au niveau du sacrifice suprême, au point de livrer leur vie pour leur Dieu. La Bible déclare que tout le peuple, ça veut dire qu'y compris que le peuple juif qui était au milieu, certainement leurs grands-parents, leurs parents et leurs frères, leurs amis, sont prosternés devant cette statuette. Ils avaient été seulement trois à ne pas accepter ces prostituées devant les statuettes. Sur quoi comptaient-ils? Ils n'ont jamais vu Dieu physiquement. C'est juste un rouleau qu'ils lisent. Ils n'ont pas vu la présence de Dieu. Ils n'étaient pas témoins de ces juifs-là qui sont sortis de l'Égypte. Ils ne faisaient pas partie de cette génération-là. Ils lisaient seulement les Écritures comme nous. Bien plus, nous, aujourd'hui, nous avons l'autorité dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire certaines choses. Eux, ils avaient seulement la Torah et ils devaient croire tout simplement comme ça. Ils devaient entendre de bouche à oreille des récitations des délivrants d'Israël à eux racontées par leurs parents et grands-parents, de génération en génération. Mais là, et en plus de ça, ils sont en captivité à Babylone par la suite de leur propre désobéissance et la désobéissance de leurs propres parents. Là maintenant, sur le territoire étranger, il n'est nulle part mentionné qu'ils aient une possibilité d'être délivrés si quelqu'un, de façon empirique comme ça, tient ferme dans la loi. Mais ils ont pu faire cela au point où, malgré qu'on chauffait le feu à côté de sept fois, la Bible déclare que ça a détruit ceux qui les portaient pour les jeter dedans. Ils ont dit, dans ce passage que nous avons lu, mais sache au roi que même si le Seigneur ne les délivre pas de ses mains, ils ne vont pas adorer. Ça suppose que même s'il n'y a pas possibilité de délivrer de la part de ces dieux-là, ils acceptent toujours de le servir. Alors, sur cette base-là, j'aimerais que vous tous qui m'écoutez maintenant, il est temps qu'on quitte les états des bébés spirituels de tourner en rond. Remarquez très attentivement que dans tous les témoignages, vous autres qui avez donné là et tous ceux qui nous écoutent, qui ont eu des tests de la foi devant le Seigneur et ont échoué, vous allez avoir toujours ce mal-être-là que dès le départ, à la fin de cette test-là, vous ne serez pas tranquille. Le fait que vous n'êtes pas tranquille après l'acte montre que vous aurez dû tenir ferme. C'est ce que le Saint-Esprit vous a dit. Amen. Ça montre que vous devez prendre la position qui doit plutôt choquer l'autre au point où vous allez sortir la tête haute, même si on vous renvoie de là où vous vous retrouvez. C'est là où je vais vous amener ce soir. Je vais vous amener ce soir à que nous signions une alliance devant le Seigneur. Si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord d'abord avant qu'il n'y ait pas les clauses de cette alliance. Amen. Tout le monde est d'accord? Amen. Amen. Si vous êtes d'accord, je vais prier. Vous tous, vous êtes d'accord? Amen. Je vais donc prier que quel que soit le cas, que ce soit avec votre famille, votre mari, votre frère, votre chef, votre qui, n'importe qui, si vous êtes confronté à une situation où il faut se compromettre face à la vérité, souvenez-vous, la vérité est une des armes qui nous est donnée, que nous en revêtions. Nous ne pouvons pas combattre Satan avec le ceinture du mensonge. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Je veux que nous prenions l'engagement devant le Seigneur aujourd'hui, nous tous, et vous qui écoutez cette voix maintenant, à prendre l'engagement devant le Seigneur que comme Abednego, Shadrach et Meshach, ils ont eu la confrontation. Leur confrontation était de se prosterner devant les dieux étrangers. Ça, c'était pour eux. Quelle que soit la confrontation, le dieu étranger, c'est-à-dire quelque chose qui est contre les Saintes Écritures, pour que tu te rabaisses devant ces choses-là, il faut que vous soyez seulement hors de vie chrétienne. Donc, je veux qu'on signe une alliance ce soir, c'est vous qui m'écoutez, que si vous êtes confronté à une confrontation, à confronter votre foi à cette chose-là, qu'on vous dit de vous compromettre, vous allez tenir ferme devant le Seigneur, même si c'est au prix des divorces, même si c'est au prix du rejet, même si c'est au prix que vous dormiez dans la neige, vous allez souffrir au nom du Seigneur Jésus et pour le Seigneur Jésus. Vous êtes prêts? Amen. Amen. Si vous êtes prêts, donc chacun prosternez, nous donc prions et recommandons, disons ça au Seigneur. Tendre Père, nous voici prosternés devant toi. J'amène ce peuple-ci devant toi. De me donner la capacité de tenir ferme, Seigneur. Et jusqu'à ce que je me ramène, tenir ferme, ô mon Dieu. Tous ceux qui nous écoutent. Épouse encore moi l'esprit de vérité. Épouse encore moi l'esprit de vérité, papa. La jalousie de toi, Seigneur. Parce que Dieu a des amis, je crée des salariés pour que les conséquences soient la même. Papa, donne-moi la capacité, Seigneur. La capacité, Seigneur Jésus, de faire tous ces enfants, Yahweh. Je trace supplie derrière toi, cette capacité, ô mon Dieu. Merci. Mes chers frères et frères, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous devions honorer son nom et qu'on n'a pas pu honorer son nom à cause de cette compromission. Demandons-lui pardon et que nous ne faisons pas ça la prochaine fois. Demandons-lui pardon pour cela. Alors qu'il fallait que je défende ta parole, Père, pour toutes les fois, Seigneur, ne tenais pas mon silence, papa, j'ai participé aux choses du ténèbre, Seigneur. Pardonne-moi parce que cette fausse sagesse, papa, cette sagesse terrible, cette sagesse malsaine, papa, oh mon Dieu. Et donc, on est de la folie de ta foutre d'imagine, la folie du roi des cieux, papa. Oh Dieu, je t'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, je vais dire comme merci. Merci de ne m'avoir pas laissé dormir avec cela, papa. Merci de ne m'avoir pas laissé dormir dans cet état, oh Yahweh. Merci d'avoir soulevé cela, Père. Oh, merci pour ton amour, papa. Merci pour ton amour et ta bienveillance, mon Adonai. Merci pour toute cette implication que tu fais dans nos vies, oh Jésus. Et c'est parce que tu regardes notre voix, Seigneur, tu contemples notre part, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, quand ton bon Dieu nous relève, oh Yahweh. Merci pour ta grâce, papa. bouche, Jésus. Amen. Levez-vous, mes bien-aimés, levez-vous, levez-vous. Je vais prier pour vous. Tendre Père, toi dont la voix retentit aujourd'hui encore dans les oreilles de tes enfants. Seigneur, tu as dit que tu ne gardes pas nos iniquités à toujours. Seigneur, si tu ne pardonnais, qui oserait de lui-même te approcher de toi? Tu veux tout simplement, ô Dieu, que nous soyons fermes dans nos voies. Je prie, Père de gloire, pour ce peuple qui n'ont pas pu tenir ferme parce que, ô Dieu, les situations de la vie les poussaient dans cette direction. Mais ce soir, ô Père, nous entrons dans l'alliance avec toi. De toute personne qui entend cette voix et qui entre dans cette alliance, Père de gloire, donne-le le courage d'Abednego, Shadrach et Meshach de tenir ferme au point où, à la fin, ton nom sera glorifié comme Nebuchadnezzar l'a glorifié. Et que sur toute l'étendue des territoires, des nations, ton nom a été proclamé comme le seul Dieu qui délivre. Ô Seigneur, quelle gloire y a-t-il eu dans le ciel ce jour-là quand cet a été proclamé sur la terre? Alors que si ces trois personnes-là se prosternaient au Dieu de gloire, toute la terre devrait être annihilée par l'idolâtrie. Mais ces trois ont décidé de faire au Dieu de gloire, d'être radical comme on nous appelle aujourd'hui. Je prie que tu donnes à mes frères, à mes soeurs d'être radical aujourd'hui pour te servir. Quel qu'en soit ce que ça va coûter, Père, donne-nous, ô Dieu, d'aimer Jésus-Christ plus que le plaisir de ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Je vais encore que vous considérez encore les paroles de notre bien-aimé Abednego, Shadrach et Meshach. Ils ont dit au roi, sache au roi, nous te répondons là-dessus. Je ne mentirai point. Je ne ferai pas telle chose. C'est contraire aux Écritures. Aujourd'hui, l'idolâtrie moderne, c'est ce qu'on appelle la fête du 25 décembre. Tous sans exception servent que c'est la fête du Dieu Soleil. Donc voilà la même statue qui est peinte maintenant avec les guirlandes, avec les bois verts là-dessus, vous appelez quoi, les lumières lumineuses. Au point où on célèbre dans tout le monde. Ce n'est pas la même chose qui est positionnée là, mes chers sœurs. Où il est écrit que tous ceux qui vont se prosterner, c'est une journée fériée chômée où les gens dépensent. En France, on dit que les sociétés françaises dépensent en moyenne 300 euros ce jour-là particulièrement. C'est-à-dire que dans les foyers, on dépense 300 euros pour ces jours-là. Vous voulez poser la question au juste, vous fêtez quoi? Il dit c'est la festivité de la naissance du Seigneur Jésus, le Dieu Soleil. Vous célébrez. Mais maintenant, combien sont-ils les chrétiens qui le font aussi? Parce que souvenez-vous, dans le cas d'Abednego Shadrach, ils n'étaient pas les seuls juifs à Babylone. C'est tout un peuple qui avait été positionné, qui avait été amené captif là-bas. Mais parmi tous les peuples, les autres peuples ont adopté la coutume de ces peuples au point où ils sont prosternés devant le Seigneur, enfin devant le Seigneur de Nebuchadnezzar, devant les dieux de Nebuchadnezzar, sans s'enquérir de la situation qui pourrait leur arriver plus tard, sans se souvenir de la loi qui avait été la leur. Or, la parole leur avait été donnée qu'il n'y a qu'un seul Dieu à adorer. Ceux-ci avaient compris ces paroles-là que même si dans ce moment des difficultés, ils ne vont pas adorer un autre Dieu. Même s'ils sont en défaillance devant Dieu, ils ne vont pas pourtant adorer d'autres dieux. Malgré que les chrétiens sont en désordre par rapport à la puissance du Saint-Esprit, nous ne devons pas célébrer les dieux païens. Mais aujourd'hui, on vous taxe des radicaux, des fanatiques, que vous pensez que vous obéissez à la parole de Dieu plus que qui? Que Jésus que lui-même ne dit pas comme ça, là. On fait comme ça pour Jésus. On peut trouver des alternatives. Oui, Abednego, tu peux te prosterner seulement, ça fait quoi? Tu peux te prosterner seulement comme ça, mais dans ton cœur, tu dis dans ton cœur que Seigneur, je me prosterne devant toi. Mais l'ordre a dit que vous devez vous prosterner devant la statue. Qu'adviendrait-il si Abednego, Shadrach et Meshach se prosternaient en disant dans leur cœur que Seigneur Jésus, ou bien Seigneur Dieu tout puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Comme je mets mes genoux par terre, ce n'est pas à cette statue qui met mes genoux, c'est à toi qui met mes genoux. Dieu n'aurait pas entendu cela. Parce que devant le peuple, vous honorez les statues. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un veut célébrer aujourd'hui, il dit qu'il célèbre Noël, non. Je célèbre Noël aujourd'hui, pas comme les parents le célèbrent. Je vais seulement adorer Dieu dans la famille, ainsi de suite. Vous allez célébrer le Dieu soleil de toutes façons. Donc la même chose aujourd'hui. Alors on doit tenir ferme et prendre position pour le Seigneur. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. D'abord, Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment, mes chers amis. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Alors, mon cher frère Trabi, si ton ami là, il écoute un peu Bamba Iba, il entend de témoignages, c'est que s'il va t'appeler là sur ton téléphone, il dit que tu ne mets plus jamais les pieds dans mon magasin ici. Pas vrai? Non, donc, mais de toutes les façons, j'ai commencé à lui faire écouter un peu. Il va t'écouter là-bas, mais quand il va voir comment tenir ferme pour Dieu, ou bien comment avoir confiance, il va dire non, il faut que je cherche la confiance dans mon commerce. Et là, il va t'entendre dire, ah, mon fruit, donc tu dis que je vends les fruits pourris. Ne passe plus ici, ne passe plus ici. De... ouais, donc dis-lui, donc il faut alors utiliser une stratégie, écoute, commence à écouter les anciens enseignements jusqu'au nouveau, quoi. Esaïe chapitre 26. Esaïe chapitre... chapitre 26, verset 3 à 4. Allons-y. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Encore, je veux qu'on lise, je veux que nous lisons ça tous ensemble. Regardez bien attentivement encore ce livre d'Esaïe, chapitre 26, verset 3 et 4. Allons-y. 1, 2, 3, allons-y. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Est-ce qu'on a dit qu'il y a des moments où on doit se confier en Dieu et des moments où on ne doit pas se confier? Il a dit qu'on se confie en l'Éternel maintenant à perpétuité. La seule chrétienne ne pleure pas. Le Seigneur donne la parole, il envoie sa parole dans le cœur, c'est pour corriger. C'est pour ça que la Bible déclare que les Écritures sont faites. Lorsqu'il suscite un enseignement, il sait pourquoi il le suscite. Vous voyez chaque jour qu'il n'y a pas un enseignement programmé ici, on vient et puis il nous donne le thème sur lequel nous allons travailler. Alors la Bible déclare qu'à celui qui est ferme dans ses voies, tu fais quoi? Tu assures quoi? La paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc le Seigneur nous donne les promesses que si vous confiez en lui, vous faites confiance, vous vous recommandez entre ses mains, il donne la promesse d'assurer la paix. Dieu va défendre toujours son honneur. Il va toujours défendre ton honneur, son honneur, mais à condition qu'on soit totalement du côté de la lumière. Totalement, sans réserve. C'est-à-dire un total abandon, une totale confiance. Un peu comme ça, petit-enfant, vous avez remarqué quand vous portez vos petits-enfants, vous lancez en l'air, l'enfant rit. Il est sûr que tu vas le prendre en main. Vous-même qui êtes grand là, si quelqu'un vous porte, vous jette en l'air, vous dites, hé, fais attention, vais me faire du mal. Parce que vous savez que quand vous chute là, ça fait du mal. Mais l'enfant, lui, n'est pas comme ça. L'enfant est content parce qu'il sait que son papa va l'arrêter, sa maman va l'arrêter. Il joue en l'air, ne sachant pas qu'il suffit que quelque chose retienne ta main pour qu'il chute au sol. Mais nous avons toujours des raisonnements. Dieu veut qu'on lui fasse confiance exactement comme les enfants. Amen. Verset 3 et 4 encore d'Esaïe chapitre 26. Lisons cela, mes soeurs. Courage, ma soeur Christiane, ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord? Allons-y encore. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles, le rocher protecteur. Confiez-vous en lui à perpétuité, parce que l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Alors dans le livre de Psaume 20, verset 8, Psaume 20, verset 8, nous allons rester à trois endroits des psaumes. Courage, ma soeur Christiane, ne pleure pas, d'accord? La Bible déclare qu'il est fidèle et juste pour nous le pardonner lorsque nous pardonnons lorsque nous demandons pardon pour nos iniquités. Prends seulement la résolution maintenant que tu ne te compromettras point, même si tu dois écouter ton poste. Il faut que tu rentres à la maison. Tu rentres, même si on te renvoie, tu rentres étant tranquille que tu sauras que dans ton cahier des charges au ciel, c'est écrit renvoyé parce que j'ai dit la vérité. Même si sur la terre, c'est dit, elle aime trop, elle veut vendre la marchandise, comme le cas de traduit, elle dit que la marchandise est pourrie. Vous voyez? Donc, qu'on vous renvoie parce que vous avez fait la vérité, n'ayez point, on ne pleurez point, réjouissez-vous, dit la Bible. Amen. Réjouissez-vous. Nous allons aller dans Pierre tout à l'heure et voir cela. Donc, Psaume chapitre 8, chapitre 20, verset 8, qu'est-ce que ça dit? Psaume chapitre 20, verset 8. Oui, mon frère. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. On a dit que certaines personnes se comptent sur quoi? Sur leurs chars. Ou bien encore aujourd'hui, de façon moderne, sur quoi? Sur leurs chevaux. Oui, encore moderne, encore aujourd'hui, en langage moderne, c'est-à-dire quoi par exemple? L'argent. L'argent. Quoi? Sur leur voiture. Leur voiture. Leur maison. Leur maison. Mais quant à nous, chrétiens, nous devons. Nous faisons comment? Nous comptons sur le Seigneur. Une totale confiance au Seigneur. Souvenez-vous, la Bible déclare que ce n'est pas un grand chevaux qui sauve le roi. Ce n'est pas un grand ami qui sauve le roi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? La Bible déclare que le jour de la mort, il n'y a point de délivrance là-dessus. Mais pourtant, le Seigneur Jésus peut dire, revis et tu revis. Pourquoi ne pas faire confiance à celui-là qui peut donner le souffle de vie? On compte sur l'argent. Il y a des milliardaires qui sont morts de suite des cancers, pas vrai? Amen. Des milliardaires qui sont morts à cause du rein qu'il leur a montré, à cause de la prostate. Mm-hmm. Mais Jésus accorde la guérison gratuitement. Il te l'accorde longue vie, gratuitement, longue vie, gratuitement. Pas vrai? Amen. Par l'obéissance seulement à nos paroles, Dieu promet de prolonger notre vie sur la terre. Qui peut prolonger, qui peut prolonger notre vie? Qui? L'argent peut prolonger la vie? Les gens vont avoir beaucoup de l'argent, avoir des cheveux blancs, acheter les choses comme le teinté noir là, pour mettre là-dessus. Mais les jeunes à l'intérieur montrent que tu as déjà atteint presque 100 ans. Ils vont partir. Ils vont partir. Il va beau faire la force comme Robert Mugabe. Il fait la course dans un petit endroit comme ça pour arriver au niveau du salon des Nations Unies. Mais la raison, l'âge aura raison de lui. Paul Biya va beau faire la chose en marchant devant les armées comme s'il est encore chef commandant des armées. La force l'appelle vers la tombe. Il ne peut absolument rien contre cela. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Niasibé et Adema en a fait fort. La mort a eu raison de lui. Paul, Jean-Paul II a fait appuyer sur le bâton. Il tremblait comme ça à Nizeme. Ça a eu raison de lui. Mais il y en a un qui est entré dans la mort par lui-même. Il est sorti. Il est vivant pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Confiez-vous en lui, dit la Bible. Donc il faut une totale confiance en lui. Prenons le psaume 84. Le psaume 84. Le psaume 84, le verset 6. Faisons confiance, peuple de Dieu, au Seigneur. En fait, s'il y a une heure où nous devons faire confiance au Seigneur, c'est cette heure-ci. Parce que tout dans l'atmosphère est contre le chrétien. Tout dans l'atmosphère est contre le chrétien aujourd'hui. Tout travaille contre nous. L'Antichrist développe son système contre nous. Tous les systèmes de surveillance que vous voyez dans vos pays développés, c'est contre les chrétiens. Ça va faire mouche pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Psaume 84, verset 6, qu'est-ce que ça dit? Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, on a confiance totalement en lui. Ses destinées qui étaient écrites dans nos cœurs, il les trace et les retrace totalement, n'est-ce pas? Amen. Heureux ceux qui placent leur appui sur le Seigneur, ils trouvent dans leur cœur quoi? Des chemins tout tracés. Donc, puisqu'on fait confiance en Dieu, puisqu'il nous fait découvrir nos vraies valeurs, découvrir son plan, notre plan son plan dans notre propre vie. Vous voyez, effectivement, les chrétiens aujourd'hui font n'importe quoi. Ils disent, ils veulent savoir ce que Dieu a prévu pour moi. Faites seulement confiance au Seigneur. Faites seulement confiance au Seigneur et voyez ce qu'il va faire. Le psaume 105. Psaume 105. Toutes ces paroles des Écritures nous donnent la consolation pour montrer clairement que notre Seigneur est effectivement le rocher des siècles. Il est digne de confiance. Nous devons lui avoir confiance. Pas vrai? Totalement. En fait, c'est quelqu'un que s'il est dans notre présence, si nous savons qu'il est là, nous pouvons dormir sous nos lauriers sans nous enquérir de quoi que ce soit de mauvais. D'accord? Sans craindre aucun mal. Voilà. Chapitre Psaume 105, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 5 du chapitre. Du Psaume, chapitre 105. Qu'est-ce que ça dit? Psaume 105, verset 4. Psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Amen. On dit qu'on ait recours à quoi? À l'Éternel. Je pensais que au compte en banque, que mon compte était déjà en rouge. On a dit qu'on ait recours à l'Éternel ou bien au compte? À l'Éternel. Et on cherche momentanément sa face, pas vrai? Amen. Non, continuellement. Donc, le premier amen, c'était pourquoi alors? Je n'ai pas bien figé momentanément. Donc le verset dit qu'on cherche momentanément ou continuellement? Continuellement. Continuellement. Donc continuellement dans sa présence. Vous voyez effectivement que pour être continuellement dans sa présence, il faut que le cœur soit ouvert à lui. Parce que c'est le lieu, le siège de la conversation ici. Même si vous êtes devant n'importe quelle conversation, devant n'importe quelle confrontation, la conversation avec le Seigneur ne doit pas cesser ici. Je vous invite de suivre la France dans la sainteté, les parties du vieil homme où on a traité cet état de cœur. Écoutez doucement. Le Seigneur a donné des instructions claires là-bas par rapport au travail du cœur. Il faut que ce lieu, ce tabernacle dans lequel se trouve le lieu secret où il parle, vous seul et lui, vous communiquez. Même si un esprit est à côté, Satan ne peut pas entendre, il veut nettoyer ce tabernacle-là pour faire de cela son lieu de résidence, le lieu de résonance de sa douce voix. La Bible déclare qu'on est continuellement, on cherche continuellement sa face. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre que nous allons lire maintenant, dans le dernier chapitre 6. Allons-y. Nous lisons encore Daniel chapitre 6, 5 chapitres, 5 versets par personne. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Daniel, le chapitre 6. Ce n'est pas tellement long, c'est, je pense, c'est 28 versets. Un, deux, trois, c'est parti. Première personne. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur... Bonsoir, monsieur Clodon. La soeur Suzanne Clodon dit bonsoir à ton mari. Veuille fermer un peu le micro avant que vous posiez de parler des choses en privé. Merci beaucoup. Continuons, ma soeur. Ok. Verset 2. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voilà. Qui continue? Alors ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du roi, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Médès et des Perses qui ne peuvent être abrogés. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Alors Daniel sut que le décret était signé. Il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel 6 qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis il allait trouver le roi et lui parlait de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressèrent des prières à quelque dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Médès et des Perses qui ne peut être abrogé. Voilà. Autre personne. Merci, ma soeur. Autre personne maintenant. Verset 13 et suivant. Il prie. Je lis. Bienvenue, madame Clodon. Amen. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Médès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella et son anneau de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, oui, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. » Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je continue? Qui continue? D'accord. Amen. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Pourquoi? Le roi ordonne. Le verset dit quoi? Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Soulignez. Amen. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ah mon Dieu, c'est merveilleux tout simplement. Mon cœur bouge à l'intérieur. Amen. Continuons, mes sœurs. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera tout le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Quel autre témoignage magnifique des serviteurs du Seigneur qui tiennent ferme et de notre grand Dieu et Sauveur. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Une fois ici, si on arrive, si on prend encore le temps pour analyser, on pourra faire une heure ici, mais je vais faire un briefing et puis chacun pourra s'en faire des petites idées. Mais là, vous avez souligné au verset 23, vous remarquez très attentivement qu'on dit qu'aucune blessure ne s'est trouvée sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Mais comment est la tactique de l'ennemi? Première chose, Daniel se trouve en position de force, comme notre sœur a dit qu'on l'a nommé directrice quelque part, chef quelque part. On voit effectivement que le roi avait la pensée de le nommer sur tout son royaume. Ça suppose que dans le conseil ministériel, peut-être on appréciait Daniel par rapport à son travail. Et voyez la prestation, parce que les rois ont toujours le conseiller. Ils entendaient parler toujours de Daniel, comment Daniel est très bien. Mais ils savaient que ce n'est pas un maître ni un perse, c'était un juif. Mais ils ne pouvaient rien faire parce que Daniel était intègre. La Bible déclare qu'il cherchait dans la... Frère Frédéric, ferme ton micro, ça dérange là. Mais il cherchait dans l'administration. Écoutez très attentivement. L'ennemi a d'abord commencé à chercher dans l'administration de Daniel pour voir s'il y a des fautes là-bas, là où ils vont attaquer administrativement. La Bible déclare qu'ils ont cherché, ils n'en ont pas trouvé. Mais je vous pose la question, en tant que chrétien, quand on vous demande de faire la fraude, de faire des fraudes et que vous faites, savez-vous que c'est la trace même sur le plan physique que plus tard, pour votre avancement ou bien pour chercher les gens intègres à nommer dans des postes de responsabilité, ça peut vous clouer. Mais qu'au lieu de cela, plus tard, lorsque vous tenez ferme et que vous décidez de ne pas vous compromettre, même si on vous renvoie, vous pouvez rester à la maison un de ces jours. Dieu fait à ce qu'on vous appelle pour vous donner dans une place plus élevée encore. Vous savez ça? Parce qu'on va dire, s'il y avait quelqu'un ici d'intègre qui avait refusé de se sacrifier, de se compromettre, c'est ce genre de personne que nous voulons pour ce genre de postes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La Bible déclare donc que l'ennemi a essayé, la première tactique, de retrouver dans son administration pouvoir. Supposons avec la position de Daniel, la Bible déclare qu'il était à la troisième position du royaume. C'est-à-dire qu'après le roi, il était à la troisième position. Et le royaume n'est pas seulement un pays, c'était de vastes territoires. Lorsqu'on parle des Perses, c'est l'Iran que nous avons aujourd'hui. Ça allait juste en Inde, en glissant jusqu'à même en Afrique, au Moyen-Orient. Tout le royaume était dominé par eux. Imaginez donc la domination que le pouvoir qu'avait notre grand prophète Daniel. Alors la Bible déclare que dans cette administration, malgré ce pouvoir-là, il ne méprisait pas les gens. Il ne faisait pas l'abus de l'autorité comme les ministres ont aujourd'hui. Il ne faisait pas de matuvisme. Quand on m'a vu, il n'amenait pas le lot qu'on le voit. Il n'était pas gonflard. Il ne détournait pas le bien public comme nos ministres africains aujourd'hui. Lorsqu'on est dans un poste de responsabilité, les maisons commencent à pousser comme les champignons. Il n'utilisait pas sa position pour commencer à sortir les jeunes filles, prendre les couches des jeunes filles pour pouvoir sucer. Il ne prenait pas leur vie comme les tout-puissants qu'il fallait prendre pour mater les gens comme on voit à Abidjan, au Cameroun et toutes les autres personnalités. Quand un homme, il devait être tout-puissant. Il n'est pas entré dans la rose quoi, ni dans les sectes pernicieuses qui existaient en ce temps-là. Il n'est pas entré là-bas. La Bible déclare qu'il priait trois fois par jour. Jusqu'à ce que même les ennemis, pour aller l'accuser, on dit il continue à prier trois fois par jour son Dieu. Donc ils étaient témoins. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit la seule chose à leur faire se compromettre, c'est de lire la loi. Et le fait se compromettre selon la loi. C'est pour ça que tous les décrets qui vont sortir, je vous ai dit, sur la terre, c'est contre les chrétiens. Parce que quand vous allez voir, par exemple, l'une de vos lois favoris là-bas, c'est que vous ne devez pas battre sur vos enfants. La Bible déclare, châtie l'enfant car il y a de l'espérance. C'est qui? C'est écrit. Que si vous châtiez l'enfant, vous allez éloigner de lui la folie. Vous voyez là, n'est-ce pas? Que cet enfant qui ne châtie pas, il va perdre son âme. Voilà la loi de Dieu. Maintenant, l'autre loi sort chez vous là-bas, dit que si vous tentez de châtier, vous allez payer des amendes. Maintenant, pour ne pas perdre votre enfant, vous dites, Seigneur, je vais faire comment? Il y a la chicot, il y a la ceinture, chicotez, prenez position. Vraiment. Chicotez, d'accord? Chicotez, même si le voisin entend, il n'y a pas pour lui, il appelle la police. Vous dites à la police que c'est toi qui as accouché ça, l'enfant-ci. Je respecte la loi du Seigneur Jésus. Eh oui, il est temps qu'on vous entende à Aero News. Il est temps qu'on vous entende sur RFI, vous déclarez cela. Amen. Ne dis pas amen dans la chambre seulement. Maintenant, donc, nous voyons que les gens ils sont allés lire la loi. Donc, les satanistes lisent la loi. C'est pour ça que vous voyez, le pasteur sataniste ne peut pas venir dire que Satan est sauveur. Non. Ils savent que Jésus est mort à la croix. Ils lisent ce qu'il en est là-bas. Et puis, ils prennent les techniques maintenant pour commencer à désorienter les chrétiens. Ils ont lu la loi. Ils disent, nous ne trouverons rien à redire de Daniel, sinon dans la loi de son Dieu. Ils sont donc allés prendre la loi de son Dieu pour consulter. Ah! La loi de son Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 4, qu'on ne se prosternera pas devant aucune autre image taillée, devant aucune autre personne. Ah, ok. Sont-nous rois? Sont-nous un décret? Et remarquez très bien, ils ont fait que et c'est comme ça. Chaque fois qu'une loi va sortir pour être confirmée au milieu des nations, ils vont chercher les explications plausibles sur le plan naturel qui est avantagé à l'homme. Vous voyez? Ne disant pas que c'est pour contrôler la loi de Dieu, ils ne disent pas cela, non. Quand ils sont venus vers le roi Darius, ils n'ont pas dit que non, c'est pour contredire la loi de Daniel, c'est pour contredire le Dieu de la Bible. Non. Ils ont dit, il faut qu'on t'adresse la prière à toi, excepté toi, pour que son blason soit rehaussé, pour que sa personnalité soit aussi. Lorsqu'on fait la surveillance, pour ceux qui connaissent l'histoire de tracking et de ces surveillances-là, dont la NSA et les gens de la NASA font, on va vous dire que non, les détections qu'on fait pour surveiller les enfants et surveiller les personnalités là, c'est au cas où, par exemple, si votre enfant s'égare ou bien le terroriste prend en captivité votre enfant, on peut le localiser directement. On va vous présenter cela avec les enjeux sécuritaires vis-à-vis des guerres terroristes qu'on a maintenant. Mais à l'antifond, on ne vous dit pas qu'en réalité, on veut repérer ceux qui sont les chrétiens pour voir les activités, s'ils sont contre nous ou contre pas. Ils ne vous disent pas cela. Ils vont toujours présenter que non, c'est pour le bien. Lorsqu'on vous fait prendre votre visa, en prenant les visas, les photos, vous appelez quoi? Les passeports biométriques. On ne vous dit pas que c'est pour régionaliser et mettre dans un système universel où on va contrôler tous les êtres humains qui sont sur la terre. Vos mouvements sont contrôlés. On ne vous dit pas cela. On ne vous dit pas que la traçabilité par rapport à votre compte bancaire, ça fait l'état que vous ne pouvez plus bouger d'un lieu à un autre. On va vous parler de taxer les blanchiments d'argent. C'est pour suivre si vous financez des réseaux terroristes, mais pour financer les choses de la Bible. Quand on va donner l'interdiction de suivre la vie chrétienne. Vous pourrez acheter la Bible n'importe où. On vous trace en disant que vous avez acheté la Bible. Donc, frère, nous sommes mal barrés. On ne vous dira pas cela. On va vous parler seulement des dangers sécuritaires. Pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent eux-mêmes des terroristes, inventent le terrorisme, les laissent pour qu'ils explosent, pour qu'ils puissent mettre en pratique leurs lois. Alors, lorsqu'ils ils présentent ça sur les télévisions, les gens viennent défendre cela. Vous dites, ah oui, c'est même mieux. La dernière fois, on s'est explosé dans le train là-bas. Désormais, moi, je me soumets à la sécurité. Il faut qu'on se contrôle pour qu'on puisse savoir qui est qui. Sinon, chacun doit être méfiant de l'autre. Voilà les enjeux qui sont faits. La seule et unique façon de se protéger, frère, c'est d'avoir confiance au Seigneur Jésus. Il va arriver sur la terre où ces choses, ce que vous avez vu dans le livre de Daniel, au chapitre 3, ça doit être érigé où chacun de nous qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu de la Bible, sera amené à soit adorer sous Babylone ou périr. Ça arrive sur la terre. Qu'allons-nous faire? La Bible déclare que ces gens sont allés lire la Bible pour sortir une loi anti-biblique. Tout le monde sait très attentivement que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme et la femme. Il a dit que multiplier. Mais on sort une loi que Dieu vous pouvez marier. Il n'y a pas, c'est le transgenre. Personne ne doit dire que l'enfant est fille ou garçon. Il faut que l'enfant soit choisi. La Bible déclare, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre pour qu'il, quand il va grandir, il ne s'en détourne pas. On dit non, laisse-le faire son choix lui-même. Celui qui va choisir, si c'est une fille, s'il décide de dire qu'il est mal, alors on ne peut pas lui en vouloir. Arrêtez cela. Arrêtez avec cette compromission. Ben, juste dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. La sœur Grâce, tu passes pas, vous dévouez. Elle arrive, la sœur Grâce, viens. Elle arrive. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances, Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur. Ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie. Ta parole est ma lumière, une lampe sur ma sentier. Alors mes frères, souvenez-vous de ceci. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de vérité. Il est réel, il est vrai. Je vous dirai toujours la vérité. Même si ça vous fait mal, je vous aime, je suis obligé de vous dire la vérité. Et s'il arrive que cette voix, si vous ne l'entendez plus jamais en direct, rendez-vous au ciel, rendez-vous, je vous aurai dit la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que tes paroles sont douces à mon palais, Seigneur. Ta parole est ma lumière, ta parole éclaire ma vie. Ta parole est ma lumière dans ma vie. Ta parole est ma lumière, une lampe sur mon sentier. Ta parole est ma lumière dans ma vie. Ta parole est ma lumière. Je veux garder ta parole. avec Miséricorde Kapinga dans Combien j'aime ta loi. Bonne soirée la sœur Anne, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, mon frère.